bien. Ça commence, ça démarre. Très bien, je me mets en place. Mets-toi en place, Jean-Bierre. Merci, Richie. Donc la personne que vous venez d'entendre avec la voix si mélodieuse, c'est mon compagnon. Enfin, mon compagnon. Choisissons les mots opportuns. Oui. Donc c'est mon camarade d'émission, mon ami Jean-Bierre Bernot. Voilà. Donc bienvenue Jean-Bierre. Merci, merci. Richie Bouze. Richie Bouze, donc c'est moi-même. Nous serons vos deux compères pour cette émission. Alors donc, traditionnellement, lorsqu'on lance une émission, on en annonce le nom. Oui, mais on a trouvé que c'était un petit peu banal, je pense qu'on peut le dire. Un petit peu standard. Du coup, pour l'instant, on n'a pas trouvé. D'ailleurs, on peut même lancer un appel. Tiens, on n'a pas pensé à ça, mais un appel. Je pense que c'est-à-dire que les personnes qui écouteront peut-être ça là, oui, ce qu'on est en train de faire, pourront peut-être avoir des idées. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est peut-être que nous allons trouver durant l'émission un petit. Un nom. Si on n'en trouve pas, écoutez, on fera. Après tout, pourquoi? Pourquoi un nom? Pourquoi c'est vrai, intituler non, c'est les pas choses forcément. Vous avez raison, Richie Bouze, vous avez raison. C'est pas forcément une obligation. Alors, donc, en tout cas, ça commence, même sans nom. Hein. Sans, oui. On n'a pas besoin d'un nom. On est d'accord. C'est parti. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, Jean-Bierre? Oui. Pour les gens qui vont nous écouter, un peu qu'ils puissent vous définir à quoi vous ressemblez. Physiquement, vous êtes plutôt en rondeur, plutôt oblique. Vous avez une très belle casquette, oblique. Déjà, oui. Alors, en fait, je suis fan de casquettes. Ouais. Surtout celle-là, je fréquente énormément des magasins du type Nose, Foire Fouille et Max Plus. D'accord. Qui sont quand même des références en termes de mode. Tout oui, à fait. Bah, je on pense est qu'on d'accord. Peut le dire, en termes de prêt-à-porter, en tout cas. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment une passion. J'essaye, j'en ai plein. Enfin là, je vous ai pas montré. Hein. Je pense qu'on peut préciser. Qu'on non, mais celle-là, celle-là est gratinée déjà. Oui, c'est-à-dire oui. Pour décrire un petit peu, parce que les gens ne voient pas, allez-y. N'ont pas cette chance. Allez-y. Non, si j'ose dire. Oui. Mais ça ressemble un petit peu aux sortes de doudounes dans les années 80 qu'il pouvait y avoir qu'on prenait ou des imperméables pour faire du ski, les choses comme ça, oui, voilà, avec des petits motifs géométriques de toutes les couleurs. Vous voyez, ou alors l'interface d'MTV. Exactement. Avec les petits triangles de toutes les couleurs. C'est un peu ça aussi. Mais je trouve que les doudounes de ski des années 80, c'est exactement ça. Voilà. Donc on est très ça. Donc vous. Voilà. On vous demande de vous décrire, c'est la première chose que vous dites, on pense à une énorme casquette devant un micro. Voilà, exactement. Voilà, ça vous satisfait ça. Après, bon, il y a une petite personne un peu rondouillarde quand même derrière, ouais. Je pense qu'on peut le dire un petit peu. Parler d'obésité. On peut parler. Je pense. Hein. Bon, bah très bien, parlons d'obésité. Moi, je sais pas les termes que ma mère utilise, mais d'accord, très bien. Et puis voilà, énormément de passions assez diverses et variées. Ouais. J'aime énormément les chiens, tout ce qui est chiens plutôt petits, les petits chiens. Les petits chiens, ouais, d'accord. J'aime bien ça. Donc voilà, les chiens, les casquettes, et puis après, voilà. Après, donc c'est déjà pas mal. Écoutez, donc les passions de Jean-Bierre, les chiens, les casquettes et la nourriture. Et la nourriture. La nourriture et... un peu gras saturé, un peu. Gras saturé. Bah, écoutez, très bien. Gras saturé, j'adore ça. C'est très vrai, sympa. Oui, j'aime bien faire cramer du beurre et puis le boire. Après. Bah voilà, bah écoutez, c'est très bien. Voilà. Et vous, Richie Bouze? Alors moi, Richie Bouze, si je devais me décrire en quelques mots, j'irais aussi peut-être un petit problème d'embonpoint, mais qui après tout n'est pas gênant pour ma mobilité générale. C'est-à-dire, j'arrive quand même à me mouvoir d'un point A à un point B. Oui, bah moi aussi, hein, quand même. Donc voilà. C'est supportable. Et sinon, bah écoutez, moi aussi moult passion, mais pour plutôt les animaux d'ordre reptilien. Oh, j'ai cru que vous alliez dire mort. Non, pas les animaux morts. D'accord, très bien. D'ordre donc, reptilien, voilà, c'est-à-dire alligator. Alligator, le serpent. C'est-à-dire d'accord. Ces animaux dont j'ai très peur, pour être honnête. D'accord. J'étais une fois, donc j'habitais à Nantes avant. Oui, c'est vrai. J'étais ça. Au muséum d'histoire naturelle de Nantes. Oui, il y a un muséum, ok. Tout à fait, dans lequel il y a un reptilarium. Et très bien. Malgré la vitre. J'ai fait quasiment une crise d'angoisse. C'est vrai. Face à ces serpents. Mais il y en avait beaucoup. Non, c'est pas une question de quantité. C'est de voir la tête de l'animal. En fait, c'était un assez grand vivarium. D'accord. Et c'était assez difficile de déterminer qu'est-ce qui était une branche, qu'est-ce qui était un serpent. Okay. Et tout d'un coup, j'ai vu une tête de serpent qui me regardait que j'avais pas pu voir avant et ça m'a fait très peur. J'étais vraiment terrorisé. D'accord. Donc, ah, je ne savais pas. Ce je connaissais pas. La peur nous fascine. Comme on le sait, et donc je suis aussi fasciné par les serpents. Très bien. Mais ce n'est pas une émission de zoologie. Non, c'est vrai qu'on va peut-être se calmer là-dessus. On reviendra dessus plus tard, vous verrez, mais pour l'instant, oui, non, c'est de vrai. Quoi on va parler dans l'émission qui n'a pas de nom? Dans cette émission qui n'a pas de nom, en fait, c'est très simple. On va essayer de déterminer un peu à l'avance des rubriques, des thèmes qu'on aimerait aborder. Vous, comme moi, on va essayer d'en préparer un peu. L'idée, c'est de jamais s'en parler avant, bien sûr. La surprise soit la plus totale possible. Et puis voilà, essayer de développer là-dessus, voilà, c'est une façon de mieux se connaître. Écoutez, aussi, je pense. Ça me paraît très très bien résumé. Voilà, merci. Moi, j'aurais plutôt décrit ça comme un panorama de la philosophie et de l'intellectualité actuelle, de voilà, l'intellectualité actuelle, ouais, avec Armand. Okay. Ouais, ouais, ah ouais, j'aurais plus été sur ce terrain-là. Bon, bah, mais bon, c'était très bien. Comment vous l'avez fait, Jean-Bierre? Merci. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? Qu'est-ce qui est la spécialité de cette période, de cette année? C'est une année politique déjà. C'est une année politique. Oui, alors, moi, personnellement, ça me fatigue déjà. Ça me fatigue depuis longtemps. Dossier classé affaire suivante. Oui. Alors ça, déjà, on n'en parlera pas. Voilà, on est d'accord, hein, enfin, sauf si, bon, vraiment, on a un appel d'un auditeur qui a envie d'en parler. Voilà, sur notre téléphone qui est au centre de la table devant nous, un magnifique téléphone en peau de panthère. Oui, voilà, exactement, que j'ai acheté en même temps que la casquette, d'ailleurs. Oui, ça, c'était un prix de gros. Oui, 2 euros. Alors, qu'est-ce qui était offert? C'était la casquette offerte avec le téléphone ou le téléphone offert avec la casquette? Non, c'était le poster de Jessica Alba à côté. Tristesse. Vie de merde. Vie d'obèse. Oula, en parlant de tristesse, j'ai reçu ma taxe d'habitation récemment. Ah! Pendant que j'étais à l'étranger, parce que j'étais en voyage récemment. Oui, bah vous voyagez énormément aussi. Au pays de la morue, au Portugal. Et donc, j'ai eu un mail de ma taxe d'habitation, puisque que j'avais la tête ailleurs. Moi, j'étais dans les vacances, les sun nights. Le soleil, les rooftops. Ah, les rooflaquettes. Les rooflaquettes aussi. Les rooflaquettes que les enfants ont au Portugal. Non. Les enfants ont de la moustache, des rooflaquettes. C'est OK, il n'y a pas eu d'arrêté préfectoral qui interdit ça. D'ailleurs, les gens là-bas ne savent pas qu'on peut avoir deux sourcils. C'est pour eux, c'est un seul quoi. Donc c'est... voilà, on est aussi sur l'émission des clichés, oui. Des bonnes blagues. Des bonnes blagues. Voilà, des bonnes blagues savoureuses. Déjà faites un paquet de fois, mais bon. Et donc, pour revenir à mon histoire, donc ma taxe d'habitation. Ouais. Bon, vous l'avez eu? Bah non. Parce que vous venez d'emménager, Jean-Bierre, donc oui, vous n'avez peut-être pas eu. Non, je ne l'ai pas eu. Moi, j'ai eu celle de mon ancien logement. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, vu qu'à l'époque, j'étais extrêmement pauvre, c'était un logement social, donc ça reste relativement faible. Ah oui, on peut peut-être aussi parler du fait, en parlant de logement, de où on enregistre. Oui. Donc, on enregistre de la maison de ma grand-mère, c'est on peut vrai. Le dire. Donc, ce ne sera pas forcément un endroit permanent. Non, là, c'est pour nous dépanner. Voilà, donc pour décrire un peu l'endroit, on est dans une sorte de cabane de jardin. Petit cabanon en bois dans lequel on range tout, on s'est fait une petite place. Exactement. Et donc ma grand-mère habite ici, donc j'ai jamais vraiment su si c'était vraiment elle la propriétaire ou pas. C'est-à-dire qu'elle a, bon, elle a un peu louche cette histoire. Elle a un passé assez trouble. Bah, surtout avec certaines périodes. Mais... Voilà, on va pas trop mettre le focus sur elle pour éviter tout ennui par la suite. Et donc voilà, c'est au fond de ce jardin, près d'une voie de chemin de fer, on peut le dire en banlieue parisienne. Oui, c'est ça. Grosso c'est modo, ça, on peut dire ça à peu près. Ce sera ça pour aujourd'hui, ça risque de changer. Peut-être au moment où on aura trouvé. Un titre, je ne voyais pas où vous vouliez en venir. Pour l'émission. Métier. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est très bon. On va commencer par peut-être quelque chose. Est-ce que, mon cher Jean-Bierre, vous avez envie de nous parler de quelqu'un? Est-ce que ce sera un des peut-être leitmotifs de l'émission, de cette émission, des gens de qui on veut parler, personnes. Alors, en fait, j'aime bien, je lis pas mal de choses sur des personnes assez diverses et variées dans des domaines assez différents. D'accord, donc là, on est sur quelqu'un, un grand intellectuel un petit peu. Vous parlez de moi ou de la personne que je vais... De vous. Oui, moi complètement. Oui. Bon, vous le savez bien, depuis d'accord. le temps qu'on se fréquente. Ça, vous donc la biographie du fondateur de Noz, c'est quelque chose qui vous a passionné. J'adore ça. Allez, ça commence. Vous êtes prêts? Par contre, j'ai 15 pages, hein, mais une fiche très fournie. Non. Aujourd'hui, on va parler d'un homme. Qui s'appelle Ernest Moniz. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de qui c'est Ernest Moniz? Ne cherchez pas sur votre portable. Hein. Non. Ernest Moniz, en fait, c'est un physicien. Ouais. Et maintenant, c'est aussi un homme politique américain depuis quelques temps. D'accord. Qui fait partie, en fait, du gouvernement Obama et qui est secrétaire à l'énergie depuis 2013. Mais il serait pas né en 44 à Fall River, par hasard? Je sais même pas. Parce que ça me vient comme ça tout d'un coup. Est-ce que je peux regarder votre écran? Non, écoutez, il y a des choses très personnelles. D'accord. Mais il me semble, de mémoire, je crois qu'il est né en 44 à Fall River. Mais c'est possible. À vérifier. Du coup, ça veut dire que vous avez sa tête devant les yeux? Tout à fait. Oui, il est plutôt beau gosse. J'encourage les gens à aller googliser Ernest Moniz. C'est un bijou. On est quand même sur probablement une personne qui a été mannequin dans sa jeunesse. Oui, je pense. Et qui, à mon avis, fréquente des coiffeurs plutôt pointus en termes de capillarité. Ouais, ouais. Je pense. Mais en termes de visage aussi. Hein. Oui, non, mais en termes de... C'est probablement un coiffeur visagiste qui a sur la personne, parce que là, C'est possible. Oh mon Dieu. Oui. Il a essayé de sourire sur une photo, je pense qu'il n'aurait jamais dû. C'est loupé. Pardon, continue, j'imagine cette personne a d'autres intérêts que physique. Physicien, donc quand même, c'est... Ah. j'adore l'humour, c'est ma troisième passion. Savoureux. Oui, mais... Je sais. Est-ce que vous avez vu la série Stranger Things? Oui, tout à fait. Qui s'est passé cet été et qui a un peu défrayé la chronique parce que c'est quand même une série d'assez grande qualité. Alors, une excellente série, oui. Ouais, vous en avez pensé quoi ? Moi, je l'ai trouvé très très bien. Ouais. Car elle était à la fois dans l'hommage évidemment à toutes les grandes sagas des années 80. Légèrement. De E.T. à plein d'autres. Mais malgré tout, tout à fait indépendante et très bien. Moi, assez courte, 8 épisodes. Moi, je suis un peu fatigué des séries, de me lancer. Il y en a énormément qui sortent. Et mais justement, je trouve qu'il y en a de plus en plus qui font des saisons assez courtes. Et la 2 est programmée, donc. Et moi, la 2 est programmée. Ça très bien, pour répondre à votre question. Oui, voilà. Et en fait, cette personne, donc pour revenir à Ernest Moniz, il a déclaré sur un plateau de télé... Ah, c'est lui qui joue la petite fille. C'est ça. Ah oui, voilà. Mais c'est ça, le visage. Vous reconnaissez maintenant. Oui, mais oui, voilà. Non, mais oui, très bien. Énormément merci de beaucoup. Maquillage. Écoutez, Jean-Bien, merci beaucoup. Ah, voilà, allez, question suivante. Bonne soirée. Embrassez tout le monde chez vous. Hein. Allez, bah, je rentre manger du beurre cramé chez moi. Hein. Mm. Non, non, en fait, oui, non, non. Il a déclaré sur un plateau télé qu'en fait, du coup, vu qu'il est secrétaire à l'énergie, qu'il y avait vraiment des expériences qui sont faites, enfin pas des expériences, mais en tout cas des recherches très approfondies qui sont faites sur les mondes parallèles. Il a déclaré ça de façon extrêmement sérieuse, où il disait que oui, c'était le cas, qu'il y avait vraiment des projets, aussi de l'argent qui était investi pour réussir à vérifier cette théorie-là. Donc il disait, je n'ai pas vu la série, etc., mais ça ressemble en tout cas à ce qui se fait des fois. Et du coup... Les Américains sont un peu les spécialistes pour investir de l'argent dans les recherches un peu alternatives comme ça. Même il y avait eu aussi le film Les Chèvres du Pentagone sur exactement. Le contrôle mental. Tout et bien ça, de justement, deuxième chose qui recoupe un peu ça pour parler de Stranger Things. Dans les années 80, justement, sur la côte est des États-Unis, c'était vers Long Island, justement. Et bien il y avait une base de l'Air Force qui s'appelle The Montauk, M-O-N-T-A-U-K. Et en fait, au début des années 80, il y a eu un certain nombre d'expériences aussi faites pour justement sur tout ce qui était voyage dans le temps, contrôle de l'esprit, téléportation, etc. Ouais, ouais. Et du coup, lui, il disait que en fait, la série, c'était pas tant que ça de la science-fiction et que ça existait vraiment. Voilà. Mais et c'est très lié à la guerre froide aussi. Développé. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est un peu de l'ordre de la paranoïa. Oui. Le contrôle de l'esprit, tout ça, la peur, c'était avant tout une peur que les soviétiques aient une technologie plus avancée complètement. Qui leur permette d'avoir une avance technologique qui leur permettrait de gagner peut-être la guerre. Et c'est aussi ce qui a créé tout le fantasme, qu'on parlait des films. Mm-hmm. La majorité des films au début des années 60-70 sur le débarquement alien, c'est aussi la phobie du débarquement, tout simplement du débarquement soviétique. Du rouge qui allait débarquer. C'est tout ça, quoi. C'est ouais. Souvent lié à la fiction. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre ça par rapport à la fiction. Oui. La fiction est toujours liée aux angoisses un peu. Mmh. Les films de zombies qui se multiplient, c'est lié à la peur un peu de l'apprenti sorcier, de la médecine qui dérape. Oui, c'est ça, complètement. C'est un peu les angoisses sociales qui ressurgissent. Qui ressurgissent à travers ça, ouais, complètement. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. Et à la fois assez surprenant qu'une personne aussi haute place, avec une fonction quand même très très importante, en parle de façon aussi décontractée que ça. Et du coup, cette séquence d'émission était assez intéressante. Tout à fait. Et surtout, c'est quelqu'un qui peut probablement être sur les podiums en train de défiler en tant que mannequin et qui prend le temps de faire des recherches. Et ça, c'est important. Je trouve que ça, c'est il a fait la une de Coiffure Magazine il n'y a pas encore 2 mois. C'est ça. Un numéro qui s'est vendu. Mais c'est un esprit mieux. Saint dans un porc saint, si je peux dire. un peu de jeu de mots. Les grosses têtes, Laurent Ruquier. Ah, merci. Tu trembles. On arrive. Big up Philippe Bouvard. On prend la relève. D'accord. Non, mais alors, voilà. Très intéressant parce que je ne connaissais pas cette personne. Évidemment, je connaissais la série. Oui, en fait, j'avais choisi de parler de cette personne-là parce que aussi j'aime vraiment beaucoup cette série-là. Ouais. Et si on peut se permettre de développer un peu dessus, de toute façon, on n'est pas pressé, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Non, enfin, votre grand-mère est partie déjà se coucher, donc je pense. La grand-mère, on la dérange pas puisqu'on est dans la cabane, donc à moins qu'elle vienne ratisser durant la nuit, a priori. Vous savez, des fois. Oui. Bref, et du coup, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Par contre, moi, la chose qui m'a plus ou moins dérangée, c'est que ça soit qu'il y ait une saison 2, en fait, tout simplement. Alors, je suis un peu d'accord avec vous, puisque moi, j'ai bondi de mon canapé à la fin de la saison. Ah, j'ai bondi. Ah, j'ai bondi. Malgré votre problème de poids. J'ai un petit peu bondi. J'ai boudiné. Voilà. J'ai boudiné sur mon canapé. Non, en fait, j'étais là, oh putain, génial, enfin une série avec une histoire point A, point B, ça se exactement. Termine, enfin de A à Z plutôt. Ça se termine, c'est clair, c'est pas genre on fait une première saison. On voit que les gens regardent, on et recommande coup, une 2, 3, 4, ouais. On fait ressusciter des gens et tout. Oui, voilà, oui. Non. Mmh. Et j'ai trouvé ça cool. Et c'est vrai que bon, une saison 2, mais après ça peut être bien. si c'est peut-être quelque chose un peu indépendant à chaque fois. Un peu comme l'a fait American Horror Story, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des saisons, oui. un univers, oui. et puis des thèmes différents. Mais je sais pas, ça va... mais ça a l'air d'être vraiment non, sur la même thématique. Ouais, je pense que ça va être les mêmes personnages. En plus, les gamins ont tellement cartonné en tant ouais. qu'acteurs, etc. Ouais, ouais, et ouais, côté, il faut dire qu'ils sont vraiment impressionnés. Impressionnant, pardon. Et oui, c'est grave de d'ailleurs, des le stars. Le petit qui a une casquette aussi qui zozote vous ressemble énormément, pour que les gens se fassent une idée. Merci. Sauf que j'ai des dents quand même. Bah, sauf que vous avez 47 ans aussi. Oui, mais vous faites voilà, la même après, taille on, et voilà. Il y a la question de l'âge que. Oui, bah, ça c'est un... oui, c'est vrai. Mm. Merci. En tout cas, de rien, de rien. Voilà. Bah, c'est pour que les gens se fassent une idée. Non, non, mais vous avez... Est-ce que vous avez vu la série Night of? On parlait de séries assez courtes. Absolument pas. En une seule saison, bah voilà, bah écoutez, je vous la conseille. Elle est très très bien cette série. C'est non, bah écoutez, Night of, je note. Oui. Si on donnera des conseils plus. Comme ça. On si vous, des si vous ne m'en dites pas plus, ça non, va pas vraiment pense. Me donner envie. Moi, vous dites Night of, demain j'ai oublié. C'est une très bonne série. Parce qu'on s'enfile, je risque d'oublier ça assez facilement. Donc si vous me dites juste Night of. Est-ce que vous pouvez décrire la boisson que vous êtes en train d'ingurgiter en grande quantité depuis tout à l'heure? Alors c'est du Schweppes, de l'Indian Tonic, très bien. À la quinine. La bouteille juste devant le Schweppes. À la quinine qui était utilisée donc, pour traiter le paludisme. Donc je suis bien content d'en boire, on sait jamais, on n'est pas à l'abri du paludisme, en particulier dans cette région d'Île-de-France. Qui est quand même relativement humide. Parce que ma grand-mère a pas mal voyagé c'est et vrai. Je pense qu'elle est peut-être encore un petit peu contaminée. C'est vrai que votre grand-mère a beaucoup voyagé. Vous c'est pouvez vrai. Dire d'ailleurs le dernier pays dans lequel elle était ? C'était la Belgique. Ah oui. Bon. Région à risque. Région à risque. Région à risque. Oui, région à risque parce que frites avariées. Exactement. Sauce samouraï. Voilà, et bière en grande quantité également. Tout à fait, et bien. Vous enchaînez, monsieur Bouze ? Ah bah bien sûr que j'enchaîne. En plus, alors c'est une transition. Tout on n'aurait pas pu espérer faire mieux puisque mon speech de l'improbable, mm-hmm. c'est-à-dire là ce que je vais faire, je vais parler d'une décrivez. Alors je vais parler d'une période de cinéma que j'aime tout particulièrement et on revient sur votre thème puisque c'est les années 80, les films d'enfants. C'est vrai. Alors là on est en plein dedans, c'est magnifique. Ah bah là, c'est magnifique, on est très heureux. Sans se consulter. Les gens vont croire que c'est qu'on un a montage. Des passions communes. Alors là ça alors serait incroyable. On ne s'aime pas dans la vie de tous les jours. Exactement. Et donc, le principe, c'est que je vais vous parler un peu d'une période et je vais ensuite vous parler d'un film. D'accord. Qui s'insère dans cette période du cinéma. Mm-hmm. Et vous, votre but, Jean-Bierre, et le but des gens qui écoutent, oui. dans leur maison, sur leur canapé, pousser les meubles, on va s'amuser, ça va être de deviner si ce film existe ou s'il est le fruit d'un esprit très créatif comme le mien. Okay, d'accord. D'accord je crois déjà sachant que peu. Si vous trouvez la bonne réponse, ouais. mon cher Jean-Bierre, vous aurez un petit cadeau. C'est vrai ? Et non, je dirais plutôt une surprise qu'un cadeau. Ok, d'accord. Oui, ce n'est pas quelque chose de matériel. Si, mais vous verrez. Ok, d'accord. Est-ce que comment ça se passe en termes de réglementation ? Je suis quelqu'un d'assez carré, vous le déjà savez. Déjà, évitez de roter quand vous parlez dans le micro. Si vous avez des renvois, vous allez les faire ailleurs et puis vous parlez après. Désolé, c'est mais pas, pardon, c'est pas de la faute, c'est à force de boire du chouette. On est chez ma mémé, là, on n'est pas chez votre mémé. Vous faites ce que vous voulez. Oui, non, je voulais savoir si on pouvait poser des questions au fur et à mesure du speech ou si je devais vous écouter d'une traite et puis ensuite... Alors, c'est-à-dire que d'abord, je vais établir un peu la période de laquelle d'accord, je vais parler. Très bien, poser les bases. Au niveau du pitch... Au niveau du synopsis, oui. vous allez pouvoir évidemment poser des questions, très essayer bien. De me piéger, ah. une incohérence dans le scénario, quelque chose qui... ouais, des voilà. précisions, des tout demandes à fait, de précisions, des précisions très bien, exactement. Parfait. Donc comme je vous disais, la période dont je vais parler, c'est un film qui s'insère dans le film d'enfants des années 80. D'accord. Donc c'était une période qui était très représentée à cette époque, malheureusement qu'il est un peu moins. C'était les films non pas avec des enfants, mais des films d'enfants. C'est-à-dire à la fois pas des films que pour les enfants, ouais. mais des films dont les enfants sont les héros. Dont les enfants sont les héros. C'est-à-dire qu'on regarde par exemple. Dont les héros sont les enfants, non ? Oui. Oui. Dont les enfants sont les héros du film, si vous préférez, oui, mon oui, cher oui, Jean-Bierre. Je préfère. E.T. en 82. Oui, c'est vrai. Un enfant, héros du film, qui découvre un petit extraterrestre pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film pas trop connu. Si, une petite perle que je découvre, là. Donc sorti en 82. Hein. Oui, donc oui. La soupe aux choux sortie quelques mois auparavant. Ça ah, donne belle une petite idée des effets spéciaux oui. France-États-Unis. Pareil, il y a eu quoi comme film vraiment... Les Goonies, 85. Les Goonies, il y en a eu plein. Mais en fait, c'est... Oui, non, mais... Bah, en fait, c'est marrant parce que oui, en effet, tous les hommages faits dans Stranger Things, c'est ça, c'est les Goonies, c'est du E.T. Bon, après, c'est pas trop un film d'enfant, mais il y a aussi des hommages et des références dans Stranger Things, c'est Alien. Mm. C'est tous ces films de SF des années 80. Et il y a aussi donc, Stand By Me, dans le genre film d'enfant de 86, dans un côté un peu plus... moins surnaturel, un peu plus métaphysique, mais quand même assez, assez bien de Rob Reiner. Et donc, les caractéristiques de ces films-là, c'est quoi ? C'est des adultes qui sont en général assez absents. Dans Stranger Things, enfin, les parents, en général, sont complètement à la masse. Quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que les enfants ont leur propre vie. ouais. avec des enjeux très importants, mais les parents, les adultes en général, n'interviennent jamais sauf dans un but négatif. Oui, c'est vrai qu'en général, ils ne sont pas aidés par les adultes. Ils sont considérés comme dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Exactement. Par exemple. Et en général, l'autre particularité, c'est que c'est une quête initiatique liée à l'intervention d'éléments surnaturels dans le réel. Quelque chose arrive. Dans Stranger Things, dans E.T., un alien arrive. Dans les Goonies, ils vont découvrir une sorte de mec un peu chelou, un complot, etc. C'est un peu toujours ça. Mmh. Et puis l'autre catégorie, c'est qu'ils habitent toujours dans des quartiers merdiques où ils font du vélo. Exactement. ils aiment le vélo. Ils habitent tous dans les banlieues. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent se connaître les uns et les autres. C'est pas possible. Ils habitent tous dans la même rue. C'est un peu en côte. Oui, voilà, c'est ça. Et un peu en côte. Et voilà. Donc c'est un peu quand même. Enfin, moi qui suis un peu. Trop jeune pour avoir grandi dans les années 80. C'est vrai. Je suis né à la fin des années 80, donc je pouvais pas. Né à la fin des années 80. Donc moi j'ai 47 ans et vous êtes né à la fin des années 80. Voilà. Très bien. Donc ces films on les a connus par répercussion. Bah, par du coup moi un télé, petit etc. peu mieux, mais après. Oui, bah, vous étiez au tournage. J'imagine. Oui, après j'ai regardé tous les making of. Hein, je suis un gros mais fan. C'était quand même une époque assez bénie lorsqu'on était enfant, puisque on n'a qu'à même voir d'autres films. C'était les Gremlins, l'histoire sans fin, Retour vers le futur, tout ça 84-85. Donc c'était quand même quelque chose d'assez important. Après, on me dira Richie Booz. Maintenant, il y a eu Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et tout dans les années 2000. Bon, Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas d'enfants. Déjà, il n'y a pas d'enfants. C'est mais pas surtout, parce qu'ils sont petits que c'est des mais enfants. Surtout la différence fondamentale que j'ai envie de soulever. Coup de pied dans la fourmilière. Je dénonce. Mais, non, mais je dénonce. Clairement, on est sur quelque chose qui est du fantastique, mais un monde fantastique. Oui, point. C'est ça. La différence de la film des années 80, c'était du réel dans lequel vient tout d'un vient coup surgir le fantastique, qui pouvait faire rêver beaucoup plus, puisqu'on pouvait beaucoup mieux s'identifier à petite un enfant. Petite nuance pour Harry Potter, du coup, que vous venez de citer. Oui, sauf que Harry Potter, c'est un peu bâtard entre les deux, mais malgré tout, c'est un enfant qui va dans un monde fantastique. C'est pas le fantastique qui arrive, un petit bout de fantastique qui vient dans le monde des enfants. Une fois qu'il est arrivé dans Poudlard, après, c'est un film fantastique et c'est parti pour six films, mais c'est marre. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, c'est marre, vous avez dit c'est marre. Oui, c'est marre, un peu à l'ancienne, un peu belle, un peu j'aime belle beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime bien. Donc évidemment, tous ces films, ils ont influencé, quand on en a parlé, que ce soit Stranger Things ou même 8 mm. 8 mm aussi. 8 mm Ouais. Vous connaissez pas ça 8 mm, c'est pas un film avec Nicolas Cage. J'en viens. Non. Ils font des snuff movies. Alors. Non, mais vous êtes sûr. Alors, attendez. Non, toi, tu parles. Ah non, je parle du film de. Oui, de J.J. Abrams, où ils tournent en Super 8, là. Oui, exactement. Bah, Super 8, en fait. Oui, c'est Super 8. 8 mm, c'est un film où ils font des snuff movies avec Nicolas Cage. Où ils tournent des grosses cassettes de cul trop hardcore. Ah, pour l'instant, c'est un univers avec des enfants. Hein. Ma passion pour les snuff movies a un petit peu dépassé mon temps. Ok, grillé direct. Avec Joaquin Phoenix aussi, très bon film. 8 mm, mais bon. Ah, je me souviens plus qu'il était dedans. Ici, il joue le gars qui tient le sex shop qui va un peu l'introduire. Je me souviens plus, j'ai maté quand j'étais gosse avec mon grand-père. Ça m'a échappé. D'accord. Mais en tout cas. Et enfin bon, voilà. Donc, oui, okay, donc ouais. Super 8, pas 8 mm. Super 8. Donc Super si vous voulez regarder un film en famille ce week-end, téléchargez pas 8 mm. Non, éviter, ça va être gênant. Bon. Il va y avoir des moments gênants. C'est pas bon du tout. Et donc là, c'est là où je commence. Vous tremblez, Jean-Pierre. Oui, j'ai un peu peur en effet. Le film dont je vais vous parler. Et c'est là, à partir du moment où on ne sait plus si c'est un film que j'ai inventé ou un film qui existe. Alors j'espère que vous ne le connaissez pas s'il existe. Que vous n'allez pas déterminer tout de suite que c'est un faux. Ah, mais c'est mon angoisse. Culture cinématographique ne s'étale pas à ce point là quand même. Bon. Alors évidemment ce film il a essayé de, si je vous parle de tout ça depuis tout à l'heure c'est pas pour rien, c'est qu'il a essayé un peu de surfer sur la vague. C'est ouais d'accord. Mais il débutait le surf quoi. D'accord. C'est-à-dire que bon. Il avait pas toutes les ficelles. En quoi. Gros tous les films dont on a parlé auparavant hormis Super 8 et puis Stranger Things bien sûr, ouais. C'est des films qui sont été entre 82 et 85-6. Ouais c'est ça à peu près. Ce film là il est sorti en 87. En 87. Ok. Voilà. Je prends note. J'essaie quand même d'avoir de. Ok. Et le titre du film est-ce que je vais vous le donner? Ah direct. C'est un film américain. Ok. Il s'appelle The Gate. The Gate, ok. Donc on peut traduire par la porte, le portail, le passage. Oui, c'est ça, Stargate, c'était ça, la porte des étoiles. Ouais. Exactement. Mm-hmm. Et c'est un film qui n'est pas sorti en France, mais qui a été évidemment traduit au Québec par La Fissure. La Fissure. Donc voilà. Et donc il y a pas mal de gens qui ont été... Est-ce que je suis crédible déjà? Vous me croyez? Ah oui, je suis dedans là. Donc il est sorti sous le titre de La Fissure au Québec. La Fissure, voilà. Très bien. Okay. Donc c'est l'histoire, avec tout ce qu'on a dit auparavant, assez classique dans le genre. Parce que c'est l'histoire d'une petite famille dans un quartier résidentiel, évidemment. Okay. Les parents sont à l'ouest, probablement sous Prozac. Oui, bah, y a des chances, oui. Des enseignants d'ailleurs, j'imagine. Et donc ils ont deux garçons, okay. Deux enfants, pardon, évidemment, un garçon et une fille. D'accord. La grande sœur. Qui s'appelle ? Alexandra. Et il a tenté de me piéger le film. Bah évidemment, évidemment. Et donc le petit garçon s'appelle Glenn. D'accord. C'est le petit frère. Donc tout se passe bien dans cette petite famille quand tout d'un coup, tempête. Ok, tempête de... Tempête quoi, storm. Tempête. Storm, comment on dit. Storm, comme ils disent en Amérique du Nord. Une tempête éclate dans la nuit. Storm. Les ouais. enfants sont terrorisés sous leur couette avec des motifs dégueulasses comme votre casquette. Arrêtez, Les enfants sont là et la tempête est tellement violente. D'accord. Je veux dire, parce que j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte, Jean-Pierre. La tempête est tellement violente. Tempête de sable ou tempête de. Tempête. Ah, bah il y a plusieurs tempêtes. Moi je demande des précisions. Tornade. Tornade, voilà. Non, voilà. Il va me dire tornade de sable. Tornade. Non, tornade, très bien. Très bien, allez-y. Tornade, tempête tellement forte. D'accord. Que ça arrache l'arbre centenaire qu'il y avait au fond du jardin. Ah ouais. Et sur cet arbre, évidemment, parce qu'on est dans un film des années 80, il y avait une cabane. Ah, une évidemment, cabane en bois. Évidemment, la cabane que qu'on n'a jamais eu. Apparemment, les cabanes ont été interdites en 89. Oui, après. Parce qu'il n'y aurait plus de cabane dans les jardins. Les pères arrêtaient de se faire chier à faire des cabanes dans les arbres. Ils s'en foutaient. Et donc, ça, l'arbre s'arrache avec la cabane. Enfin, c'est un petit peu l'angoisse dans la famille. Le lendemain matin, d'accord. Donc, notre héros, le petit enfant de la famille, Glenn, sort avec Terry, son meilleur ami. Sort. Il sort de la maison d'accord, avec Terry. D'accord, ok, très bien. Non, mais après, j'ai cherche... des enfants de 8 ans. Hein. Oui, oui. Mais donc après, moi, je suis assez ouvert. Bah, vous mettez des stuff movie, donc. Exactement. Voilà. Et donc, son ami Terry oui. est un fan de hard rock. D'accord. Il a 8 ans. Hein. Oui. Fan de hard rock à part ce blouson en cuir clouté et tout, un peu hardcore. Ouais, oui, parce qu'il a un grand frère. Non. D'accord. Il est enfant. Vous m'avez dit le nom de la sœur, vous m'avez pas dit Alexandra. Le nom. Oui, mais vous m'avez pas dit le nom de. Si, je l'ai dit, Glenn. Glenn, pardon. Et oui, oui, exact. Glenn, Alexandra et Terry. Vous m'aurez pas. Voilà, Glenn, Alexandra et Terry. Très bien. Et donc, à la place de cette souche qui vient d'être arrachée durant la tempête, mm-hmm. ils découvrent un trou fumant. Donc, je vais vous demander d'éviter toutes les blagues qui vous viennent à la tête quand vous avez rapproché le micro de votre bouche. Vous n'allez pas nous parler de votre trou fumant. Non, mais alors, par contre, c'est vraiment pas... Non, continue. Et dans ce trou, une énorme pierre. D'accord. Vous voyez, une pierre, genre, dans les magasins de souvenirs, un peu, qu'on est en Lozère ou en Dordogne, ouais. où qu'on ouvre, il y a des trucs brillants dedans. Oui, oui, oui. Un peu violet. Ouais, des trucs complètement fake. Voilà. Et donc, le trou est fumant. Bon, entre les deux, visiblement, l'arbre a disparu. Donc, c'est un... L'arbre n'est plus là, il n'y a que le trou. Donc, il a été soit avalé par le trou, ouais. soit enlevé par une entreprise du BTP très performante qui est passée oui, dans la matinée. Qui a intervenu directement. Qui est possible aussi. Parce que les entreprises du BTP rares, on en connaît plein. D'ailleurs, vous avez dû en voir pendant votre séjour. Continue. Des trous fumants ? Non, des entreprises du BTP. Alors... Évidemment, le soir même, oui. puisque bon, c'est pas traumatisant, la tempête du siècle dans une maison. Non. Donc les parents partent ah, oui. en week-end. Directement. Non, mais tant qu'à en faire. Laissant Alexandra, qui doit avoir 12-13 ans, et ouais. Glenn, qui doit avoir 7-8 ans, ouais. dans la maison. Et Alexandra, qui est comme toutes les grandes sœurs complètement inconsciente, décide d'organiser une grosse teuf. Oui, d'accord. Grosse teuf dans la maison. Grosse teuf à 12-13 ans. Grosse teuf à base de spiritisme, à base de chemise à carreaux trop grande, de pull pastel, de casquette comme vous avez. Vraiment années 80 à fond les ballons. Enfin, ils s'éclatent. Ok. Pendant ce temps-là, Glenn et Terry sont à l'étage. Ouais. Ils donnent un gros coup sur la pierre qu'ils ont trouvée dans le trou. Est-ce que du coup, ils ont ramassé la pierre qu'il y avait dans le trou, ouais, ils l'ont montée. Ils l'ont montée. Si c'était fumant, ils ne se sont pas brûlés quand ils ont pris la pierre. Non, c'était de la fumée froide. Très bien. Et la fumée, on reviendra était, là-dessus, et la fumée hein. était puante elle aussi. D'accord. Puante. Ouais. Pourquoi elle aussi? Parce que tout puait. D'accord. Je crois que c'était référence à. Donc Glenn, il casse avec Terry la pierre, la grosse pierre. Il casse. Ah oui, il casse avec Terry la pierre. Oui. Et donc là, la fumée sort et puante, c'est ça que je dis. D'accord, d'accord. Comme la fumée qui sortait du trou. D'accord. Comme de votre trou, Jean-Pierre. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne l'ai pas là. Et donc, il a un petit oui. peu peur avec son copain Terry Glenn et il descend à la soirée spiritisme de sa frangine qui est en dessous. Ils sont là, ouais, ils écoutent Tears for Fears, ils sont cool et tout. Ok. Et là, ils sont là, ouais, vas-y, on va faire peur à ton petit frère, on va lui faire faire du spiritisme et tout, c'est un peu des bâtards. Voilà, ils ont 14 ans, c'est normal. Oui, ils veulent chambrer un peu quoi. Ils veulent chambrer un peu. Ils commencent à porter Glenn. D'accord. Dans leurs bras. Ils sont ouais. un peu 6, ils le portent tous ensemble, un peu genre comme quand on veut faire sauter quelqu'un. Un slam un peu. Voilà, un peu un slam, okay. un peu un meusla. Je fais des festivals là un peu. Ouais, un petit peu. Ah bah. Et donc, qu'est-ce qui se passe selon vous? Et bah je pense que moi, il s'amuse avec lui, et comme dans tous les films, il va tomber. Il va tomber, il va se faire mal. Alors, je vous raconte si vous voulez la suite de l'histoire. Ouais, allez-y. Vous êtes trompé, mon cher Jean-Bierre, puisque en fait, il commence à faire des incantations un peu sataniques. Pendant qu'il le porte ? Oui, parce que c'est toujours une soirée spiritiste, je vous rappelle. Ah oui, mais bon, porter quelqu'un et en plus avoir une planche et... Non, ils font des incantations, ils font pas du Ouija. D'accord, ah moi j'étais là-dessus. Donc voilà, ils sont là et ils le portent et tout d'un coup, ils font vas-y, vol, Glenn, vol. Okay. Là, le gamin, accrochez votre ceinture, remontez votre slibard, il s'envole. Très bien. Il s'envole tellement qu'il s'éclate la tête contre le plafond, il pète la lampe et tout. Ah oui. Il tombe par terre. Alors là, on peut attendre une réaction naturelle des jeunes ados qui sont là, c'est-à-dire d'avoir un petit peu peur. Oui, bah quand même. Non, il se fout de sa gueule. Genre, il se fout de sa gueule, marrant, le mec. Il voilà, a le mec vient de voler. Et... Okay. Le mec vient de voler, il se fout de sa gueule. Bon. D'accord. Là, on a un petit peu un cut dans le scénario que je viens d'inventer, ou qui existe. Ouais, ok. Faites attention à ce que je vous piège. Faites attention, vous n'aurez pas le cadeau si vous ne trouvez pas. Non. On a un cut, donc la soirée est terminée, ouais. Il vient de se casser la tête, machin. Et là, on se retrouve chez Terry, donc le meilleur ami de Glenn, notre héros. Combien de temps après ? Le lendemain matin. Il est rentré chez lui, il n'est pas resté à la soirée spiritiste, il est rentré dormir chez lui. En plus, c'est le voisin, c'est toujours les voisins. Oui, donc, tiens, bah, en vélo, d'ailleurs, vous avez déjà eu un ami voisin ? Oui. C'est souvent les amis qu'on n'aime pas trop. Vous le connaissez en plus. Mais je ne peux pas dire son nom à l'antenne, mais vous le connaissez. Ah d'accord, et c'est souvent les amis qu'on n'aime pas trop parce que... Vous le connaissez lui et l'ensemble de sa famille, d'ailleurs. Ah ouais. Bon, je vous dirai ça après en off. Et en général, on a nos vrais amis qui habitent loin de chez nous, sinon ce serait trop cool. C'est vrai. Et on a les amis voisins qu'on aime un peu moins. Vous aviez des vrais amis, vous, ça allait. Oui, mais ce n'étaient pas mes vrais voisins. J'avais un voisin qui habitait vraiment en face de chez moi, ouais. Et que je n'aimais pas du tout. Ah ouais, mais bon, pas le choix, donc tu vas quand même le voir le dimanche quand tu es tout seul. Donc oui, on en tient. Donc le meilleur ami de Glenn, Terry, est chez lui. Donc comme je vous avais dit, il est fan de quoi, Terry ? Il est fan de hard rock. Exactement, il est fan de hard rock satanique. Tout, ouais. Vous m'aviez répondu quoi pour son grand frère ? À qui ? À Terry. Il n'a pas de grand frère, il est enfant unique, je l'avais déjà dit. Il aime le hard rock à 8 ans, tout seul. Exactement. Sans modèle. Okay. Exactement. Très bien, continue. Il est chez lui, il s'adonne à une séance de danse un peu satanique, il se met une couette sur la tête, il est un peu en transe, il écoute son groupe de métal préféré qui s'appelle Sacrifice. Ah. Sacrifice, okay. Et en écoutant une piste cachée de son disque vinyle, il entend un discours parlant du passage entre le monde des vivants et le monde des enfers et d'un gate, d'un portail qui lui rappelle exactement ce qu'il vient de vivre avec son meilleur ami dans le jardin. Et oui, parce que le truc c'est bien foutu mine de rien. Alors lui il est en angoisse, Terry, il en parle à Glenn, son meilleur ami. Et ils font des recherches et tout, parce que forcément, bon, Terry, il a 8 ans, mais il a des grimoires de ouf sur le satanisme et tout. Oui, bah, tout à fait normal, ouais. Et ils comprennent qu'ils vont devoir faire un petit rituel tranquillou devant le trou pour réussir un peu à arrêter le sortilège. D'accord. Ou alors, à l'occasion, révéler les démons, réveiller les démons. Les démons. Et là, tout commence à déraper. D'accord. On est le lendemain soir, Terry et Glenn sont chez Glenn. Il y a la grande sœur qui est là avec sa copine qui est restée de la soirée de la veille. Pour aider à nettoyer. Et là, il y a des petites bestioles immondes qui sortent du trou, du jardin. Des serpents ? Non, de la taille d'un bébé, microcéphale et sans top. Un bébé, des petits bébés dégueulasses, microcéphale sans pénis, qui sort. Et là, donc, toute la famille, okay. Glenn et tout, ils se font souiller par les bébés, ils se font manquer. Ils se font souiller par les bébés. Et ils se font attaquer, enfin, c'est horrible, c'est vraiment atroce comme ça. D'accord, là. Ok. Et ensuite, je pense que le réalisateur avait un petit problème au niveau de la longueur du film, parce qu'on arrive à peu près à 55 minutes de film. Parce que ce pitch est long quand même, hein, là, sur Allociné. Très long, les très long. Pitch, ils sont pas aussi. Allez, parce que j'essaye de vous faire voyager. Mais ça marche très bien. Et donc, on a une heure de film, donc là, il y a un truc un peu bizarre que je ne saurais pas expliquer dans le scénario. Excusez-moi. Non, mais allez-y. Un zombie sort du mur. D'accord, donc on passe d'un cut complètement chelou avec le gosse qui s'est vautré contre le plafond. On va après chez son meilleur pote qui danse du hard rock tout seul avec une couette. Et puis là, un truc... Ok, d'accord. Un peu comme Une nuit en enfer, il y a des zombies qui apparaissent, on sait pas trop d'où, quoi. Le zombie sort du mur et puis le film atteint difficilement les 1h25. Et à la fin, puisque vous voyez que mon spice n'est pas si long que ça, ils font un rituel satanique. Ils tuent le bébé géant qui est au milieu du salon sans tub. Et donc enfin c'est la fin du film, le jour se lève et ils sont libérés. Mon cher Jean-Bierre, est-ce que ce film existe ou pas? Alors vous connaissant un petit peu en dehors de l'émission, puisque ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, je sais que vous avez pu me piéger à plusieurs reprises en me faisant croire que c'était tellement improbable et construit de façon tellement bizarre qu'en fait ça pourrait exister, mais j'aurais quand même tendance à dire que ce film n'existe pas. D'accord. Après, vous m'avez peut-être caché des éléments, mais par exemple, il tape sur une pierre. En fait, ça ne fait rien après la pierre. Qu'est-ce qui se passe après la pierre ? Si c'est de là que sortent les bébés. Il y a de la fumée puante. Non, la pierre, les bébés, ils sortent du trou. Mais on ne sait pas pourquoi. Bah, non, ici, il y a le rituel de Hard Rock. D'accord. Ah oui, ok, ça serait à cause de ça qu'il sort du trou et puis le morceau caché par, pardon, avec le. Voilà, c'est ça un peu qui révèle l'histoire. Très bien. Je pense que ce film n'existe pas. C'est votre réponse, mon cher Jean-Bierre ? J'en ai bien peur, mais j'ai peur que vous allez me surprendre. Alors, c'est une mauvaise réponse, que ce film existe. Mais malgré tout, je vais quand même vous offrir votre surprise. Ah. Parce que je vais vous offrir le DVD de The Gate qui est dans mon sac. Non, c'est vrai ? Oh, mais c'est trop. Mais vraiment ? Oh là là, mais vraiment ? Comme ça, vous pouvez le regarder chez vous. Oh là là. Vous pourrez vous régaler de cet excellent film qui existe donc. Alors, donc il n'est pas sorti en France, donc c'est un DVD québécois. Ah, mais c'est doublé en québécois. Vraiment La Fissure. Oui, oui. Oh. Que c'est la version québécoise qui n'a pas été doublée en français. Stephen Dorff, un univers terrifiant, The Gate, peuplé de forces démoniaques. Et pourquoi il y a marqué jeu interactif à côté ? Alors, c'est l'excellent bonus du DVD. C'est que vous allez vous régaler. Alors, quand je disais que c'était pas un cadeau mais une surprise, oui. C'est parce qu'il faut absolument que vous me le rapportiez à la prochaine émission, sinon je vous marre. D'accord. Voilà. Donc d'accord, c'est simplement non, ça. Non, mais je parce que vous croyez que faire venir The Gate du Québec en Chronopost, ça c'est juste pour cette émission. Non. Alors la particularité de la chronique, si je la refais, c'est que ce sera que des films que j'ai dans ma DVD Tech. Oh, et puis. Ce sera pas des films que je vais aller chercher à inventer. D'accord. C'est que des choses quand que je vous les avez déjà. Vraiment. Mais les films que je vais choisir qui existent, ce seront que des films que j'ai dans ma DVD d'accord, Tech en amont. Très bien. En plus, c'est magique parce que là, du coup, je suis au verso de la jaquette. Et du coup, je vois donc Terry, je vois Glenn, je vois Alexandra. Oui. Ah, c'est un bijou. Oh, je vois la vache, les monstres là. Ah, c'est les petits bébés sans tub. En bas à gauche, attendez, c'est quoi c'est, ah, les... c'est le petit bébé sans tub. C'est le bébé sans tub. Ouais. Ah là là, mais c'est un bijou quoi. C'est vraiment. Okay. Donc voilà, donc j'espère que vous allez le regarder avant est-ce la prochaine émission. Est-ce que je peux lire de façon très rapide le vrai speech du coup ? Oui, parce que je l'ai. Ah, bah, bien sûr, je vous en prie. Alors c'est parti. The Gate, une petite ville. Quelque part aux États-Unis. Donc voilà, là on est vraiment dans le cliché de la banlieue un peu américaine. Non nommée, standard. Quoi. Exactement, comme cette émission. Glenn et Terry, deux enfants inséparables, découvrent par hasard une mystérieuse fissure auprès d'un vieil arbre. Sans le savoir, les enfants viennent d'ouvrir un passage entre notre monde et un univers terrifiant peuplé de forces démoniaques. Les puissances des ténèbres commencent à envahir la Terre et nul ne sait comment les arrêter. 82 minutes, ouais, vous aviez raison, hein, ça atteint difficilement. Elle est 1h25, ouais. Ah oui, complètement, ouais. Ah, ouais. Alors, si je peux être honnête sur ce film, c'est que allez-y. Je l'aime beaucoup. Très bien. Vraiment. C'est-à-dire que je trouve qu'il a énormément de charme. D'accord. Je trouve qu'il est très original sur le fait que Terry écoute du hard rock, sur un peu une critique de la peur qu'il y avait des méfaits du hard rock, elle est un truc satanique dont les parents étaient terrorisés. C'est assez drôle, rock, c'est assez bien fait. En plus, il y a Stephen Dorff, donc l'acteur qui a eu une carrière un peu après, un petit peu intéressante quand même. Il a joué dans pas mal de films. Alors Stephen Dorff, il avait joué dans Blade, il avait joué dans aussi 13, l'adaptation. Enfin voilà, c'est quand même c'est un des enfants acteurs qui s'est pas fait violer, contrairement aux enfants des Goonies. Alors, excusez-moi, je viens d'éternuer. C'est quand je parle de viol. je suis allergique. Très bien. Et voilà. Et donc, le réalisateur qui est un Québécois. Non, d'accord. Non, qui n'est pas un Québécois. Stephen Dorff. Non, le réalisateur du film. Non, il n'est pas Québécois, non. Ah, ok, pardon. Oh là là, pardon. Apparemment, vous êtes allergique au Québécois. Chez ma grand-mère, aussi, donc on est dans une cabane. Donc, le petit problème, c'est qu'on risque de peut-être éternuer un petit peu. Il y a du courant d'air. Donc, le réalisateur a aussi réalisé quelques épisodes de Sabrina l'apprentie sorcière. Oh non. Et oui. D'accord, donc à peu près dans le même registre que ce que vous venez de un peu dans le même registre. Et qui a aussi, je crois, peut-être que je dis une bêtise, mais à vérifier, qui a réalisé une suite à Freddy. Ah bon ? Les griffes de la nuit. Allergique à Freddy également. Voilà. Ce sera coupé au montage. Ce sera évidemment coupé au montage. Très bien. Okay. Alors, donc, est-ce que ce jeu vous a plu ? On est un peu une émission test, on sait à peine si elle va passer. On ne sait pas si elle va passer, mais en effet. Surtout si vous continuez comme ça. Je pense que je vais décéder. Alors, donc écoutez, là ça va être le son du futur. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps, ça va permettre d'aller boucher. Alors attendez, parce que vous allez un peu vite en besogne. Enfin, désolé de m'emporter comme ça. Oui, c'est parce que vous êtes enrhumé et vous éternuez beaucoup. C'était juste pour revenir sur ce jeu, moi je l'ai trouvé très bien. C'est vrai ? Très très agréable. Ça vous a plu ? Vous avez énormément développé, vous avez semé plein de pièges et en plus vous me ramenez un cadeau. Donc mais je ne alors, peux donc que à chaque fois conquis. Que ce sera un vrai film, vous aurez le DVD à regarder. À chaque fois. Très bien, voilà. Parfait. Est-ce qu'on pourra du coup. Ah, et ça c'est une bonne idée. C'est-à-dire que ce sera aussi un indice pour vous, c'est-à-dire que le film le plus moisi que je vais vous raconter, oui. S'il est vrai, ça veut dire que j'ai le DVD chez moi quand même. Oui, et ça c'est inquiétant. Ça c'est inquiétant. Et vous connaissant, je pense que ce sera souvent des films vrais. Très bien, et du coup, on fera, je pense, un petit débrief très court. très court. Ah oui, la semaine d'après, l'émission d'après. Après, pour oui. voir. Bon, la semaine, quel monde ou quel monde. Mais le mois d'après, justement pour parler de ça. Le son donc du futur avec mon cher ami Jean-Bierre qui a kiffé mon jeu du speech. Donc ça, je suis bien content. J'ai en effet beaucoup aimé et j'ai trouvé ça à la fois très bien développé et en plus assez. Mais je pense qu'il faut qu'on se lance nous-mêmes des fleurs parce que personne ne fera pour oui, l'instant. Oui, clairement. Personne ne le fera peut-être jamais. Allons-y gaiement. Donc, moi j'ai trouvé moi que c'était merveilleux. Tout à fait excellent. Et je pense que je peux dorénavant vous comparer à Nagui. Nagui. En termes d'animateur télé. Et vous savez que son père est mort. Non. Si. Non. Oh mais non, c'est horrible, on n'est pas loin. Ah non, il a perdu son permis. Excusez-moi, je suis trompé. On continue. Un lendemain de festival, ouais. Sale histoire. Ouais. Très bien. Jeu du son du futur, vous êtes prêts? Alors ça, c'est un autre jeu que moi j'ai inventé. Il faut savoir que quand même, il y a eu un certain brainstorming, je pense qu'on peut le dire, avant de ouais. commencer cette émission ouais. qui n'a toujours pas de nom, d'ailleurs, il faudra en trouver un. Le jeu du futur, c'est que le son, pardon, du futur, c'est que je vais vous passer justement un son ouais. que vous allez écouter et vous allez devoir essayer de deviner ce que c'est. Vous aurez le droit. Alors là, c'est la première. Je me suis un peu emballé. D'accord. J'en ai sélectionné trois. Mmh. À chaque fois, vous aurez le droit, on va dire, à trois questions. Trois questions par son. Seulement trois questions. Seulement trois questions. Je pense que ça va être un peu difficile. Non, je pensais que j'aurais pu en poser 1000. D'accord, ok. Est-ce que c'est un animal, etc. Jusqu'à très ce bien. Que je trouve. Très bien, très bien. Non, en fait, vous avez raison. On va essayer avec 3 et aussi au bout de 3, je suis complètement paumé. Non, avec 3, je suis quasiment sûr que vous n'arriverez pas. Si je suis dans pas. Les fraises au bout de 3, on verra. Je pense qu'avec 3, vous n'arriverez pas. Ça dépend le son que vous avez fait. Si vous avez fait un son de paix, comme vous avez fait tout à l'heure en pétant dans votre micro. Ça, on a dit que ça serait coupé au montage. Ah bah, ce que vous dites là n'a aucun sens. Donc, je me change du montage. Et donc, vous m'envoyez le son. Oui, on y va. Tout le monde va l'écouter, tout le monde va l'entendre. Tout le monde va l'entendre. Bah, non, ça va être... Alors, ça va être super novateur. Il n'y a que vous qui allez l'entendre. Vous allez voir. Les auditeurs vont adorer. Vous êtes prêts? Alors, enfilez ce casque. Hein. Voilà. Alors, le premier son, vous m'entendez toujours? Ah, bah, je vous entends, bien sûr. Très bien. Le premier son va durer quelques temps. Clairement, celui-là, si vous arrivez. J'espère que vous n'allez pas me rendre sourd. Hein. Je ne veux pas que ce soit trop non, fort. Vous inquiétez pas, j'ai baissé. Voilà. Si vous arrivez à trouver celui-là en trois questions, vous êtes juste une merveille. D'accord. Mais par contre, là, ça... après, c'est ce qui se dit en ville aussi. C'est vrai que je connais plusieurs de vos conquêtes qui disent ça. C'est parti. Il tient encore 15 secondes. Que c'est, donc c'est bon. Oui. Donc ma première question ce sera est-ce que c'est un son qui est lié au mouvement? Exactement. C'est parce que je sens quelque chose d'assez régulier qui pourrait être comme des pas. Donc est-ce donc, que ce serait oui. des pas dans des galets? Ce n'est pas des pas dans des galets. Non. Mais est-ce que c'est lié au mouvement? Et normalement, on va dire que je vais répondre que par oui ou par non. Mais là, comme c'est votre première question et qu'elle est extrêmement pertinente, je vais vous dire que c'est des pas. Et donc la réponse c'est d'essayer de trouver dans quoi marche la personne ou pas. Dans quoi marche la personne déjà mais non, le but ça serait plutôt de connaître un peu l'utilité de ce son en fait. Qu'est-ce d'accord, peut... c'est une invention qui permet de marcher de façon plus agréable et plus facile dans un certain environnement. Non. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est quelqu'un de célèbre qui marche? Non, pas du tout, absolument pas. C'est un parfait inconnu, on ne voit même pas son visage. Et il faut que je trouve où est-ce qu'il marche. vous devez trouver à quoi sert ce son en fait. Enfin, pourquoi cette personne a fait ce son. C'est un morceau ? Non, c'est pas un morceau. C'est l'introduction de quelque chose ? Non plus. C'est vraiment ce que vous avez entendu là, qui se répète. Est-ce que ce son, il a pu être entendu par d'autres personnes ? Oui, il a été diffusé sur Internet. Il est diffusé sur Internet. Il a été diffusé sur Internet. D'accord. Il y a eu un certain nombre d'écoutes, même assez importantes. C'est quelque chose d'assez symbolique ? Non. Non. Non, non, non, c'est même pas quelque chose de symbolique. C'est vraiment quelque chose qui a été diffusé sur Internet pour faire du bien à des personnes. C'est peut-être le son qui détend le plus lorsqu'on l'écoute. La notion de détente est. C'est le son le plus relaxant. On est là-dedans, on est vraiment dans la relaxation, la détente. Est-ce que vous. Je vous aide un petit peu, hein, c'est bien normal. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de choses déjà avant ? Des sons comme ça qui peuvent nous sembler complètement abstraits, mais qui en fait. Ça joue une mélodie. Non, ça ne joue pas une mélodie non plus. Non, non, non, on n'est pas sur la musicalité, on est vraiment sur le son là, vraiment que vous venez d'entendre pendant. Pendant environ 30 secondes. Tout à fait, Jean-Bierre. Tout à fait, Jean-Bierre. Continuez à poser des questions, vous êtes déjà bien plus proche du sujet et de la solution que ce que je pensais à la base. Parce que c'est quand même pas évident. Après, vous êtes quelqu'un, encore une fois, d'extrêmement brillant. Oui, comme... j'ai quand même 8 doctorats, je crois. C'est 8, vrai. 9. Oui, bah, oui. Pour quelqu'un né fin dans les années 80, c'est quand même pas mal. Voilà. Et alors, donc, c'est un son qui n'est donc pas vrai, directement lié à la relaxation. Est-ce que c'est un son, par exemple, lorsqu'il a été diffusé sur Internet, tous les gens l'ont écouté parce qu'il était intitulé comme le son le plus. Non, non, non. Non, pas du tout. Non, non, non, il avait même pas ce nom de, pardonnez-moi l'expression, de putaclic. Ouais. Pas du tout. Il avait un nom assez commun. Excusez-moi, je trouve ça un petit peu étonnant. Oui. Qu'un mec avec des bottes qui marche dans les galets du Finistère. Pas les galets. Et pas le Finistère, je ne sais pas, mais pas les galets en tout cas. En Bretagne. Non, non, non, non, non. Ah oui, d'accord. Non, non, non. Ça, je dis pas ça. Des galets, c'est du sable. Est-ce que vous pouvez enlever votre casque? Il n'y a plus aucun son qui passe dedans. S'il vous plaît. J'ai une tête de con. Bah, j'ai l'impression de parler à un autre. Du sable. C'est pas du sable. Bon, je vais vous le donner. Ça, c'est pas vraiment la solution. Il marche dans de la boue séchée, en fait. Il marche d'accord. avec des bottes dans de la boue séchée. D'accord. Qui produit ce craquement que vous avez entendu. D'accord. C'est un des choses les plus agréables qu'on fait dans la vie. Genre on adore marcher dans de la boue craquée, ouais, on adore nos mains, péter du papier un peu bulle. Comme au début d'Amélie du Poulain, mettre nos mains dans les lentilles. Oui, on adore casser du papier voilà. bulle, ce genre de truc. C'est pas ça, mais on s'en approche un peu. Je m'en approche un peu. Ouais. Je pense que allez-y, continuez. En plus, est-ce que je peux vous donner un autre indice ? Bien sûr, bah avec plaisir là. Mais alors un autre indice qui va pas forcément parler. J'ai l'impression d'être prêt, la réponse. Ouais. Oui, d'être un peu prêt. Vous êtes vraiment pas loin. Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé, qui écoutent l'émission, qui ont déjà trouvé. C'est possible. Bah on attend leur appel d'ailleurs. Alors le téléphone en peau de panthère. Ouais, non. Il rugit, il ne sonne pas, il fait. Vous l'avez bien branché ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Non, mais vous êtes vraiment proche. Vous avez cité énormément de notions qui recoupent justement ouais. cette solution là. Mais pas assez pour m'accepter la bonne réponse. Pas assez pour accepter la bonne réponse parce que j'attends quelque chose d'un petit peu plus précis, mais bon, ça voilà. La boue séchée, donc pas un endroit particulier. Non, pas une personne particulière non qui plus. Marche. C'est pas quelque chose de genre le son le plus agréable qu'on aime faire. Non, mais la notion de détente et de stimuli positifs, on va dire. C'est le son qu'on aime pour s'endormir. Ça aide des personnes à s'endormir, vraiment. À rentrer en méditation ? Arrêtez de caresser cette plante, s'il vous plaît. Mmh. Arrêtez. Alors moi, je suis un peu en méditation, là, vous oui, connaissez. Hein. Totalement, je vois ça. Moi, une vieille chaussette, un dos dans le cul, et c'est parti. Hein. Bah oui, bah écoutez. Les plaisirs simples, c'est important, de, c'est ce qu'on fait. De là. Lâcher un petit peu les chiens, de me confier un petit peu. Vous avez le droit. J'espère que ma grand-mère écoute. On est posé dans la cabane de votre grand-mère. D'ailleurs, j'ai entendu gratter dans la cabane. Oui, non, mais ça doit être. Je pense que c'est la mère grand qui. C'est possible un peu, mais je pense. Ouais, le Prozac. Ok, bon, faudra forcer les doses la prochaine fois. On est là, on est bien, on est avec du fromage, d'autres joyeux. Quelques verres, un petit apéritif. Et puis un petit apéritif, voilà, on est bien, on est détente, pas de pression. Pas de pression. Moi, je déteste ne pas trouver une réponse à un jeu je de sais, ce genre. Je connais que dans mon travail, oui. Nous faisons ça toute la journée. C'est-à-dire que nous avons un travail relativement qui demande du temps et de la concentration, mais qui laisse beaucoup de temps libre. Et nous sommes fans de ce genre de jeu. D'accord, très voilà. bien. Donc, je ne lâcherai pas l'affaire. Très bien. Eh bien, écoutez, en général, faites très attention, parce que lorsqu'une réponse a été mal donnée, ou lorsqu'on nous a orientés sur la mauvaise piste, ça peut très mal se passer. Oui. Est-ce que vous, avec votre 1m30 et vos 120 kilos, j'hésiterai pas à vous casser la gueule si vous m'avez donné une mauvaise réponse. Ah, c'est pas votre casquette qui me fait peur de chez Noza. Écoutez-moi bien, Richie, non, non. Avec votre veste complètement pétée, là. La veste que vous m'avez prêtée. Oui. D'accord. Pas... Oui, mais je la porte plus. D'accord, très bien. vous me faites pas peur. Et d'accord, non, je suis complètement sûr de moi là-dessus. Vous approchez de la solution, mais après, ne soyez pas frustré de ne pas trouver. Non, je suis pas frustré de pas prouver, de trouver. Je serais frustré qu'on ne me donne pas les bonnes indications pour trouver. Très bien. Parce que là, on me dit que je suis très proche. Oui, vous êtes proche, vous êtes proche. Est-ce que je peux être indicé, orienté? Très bien. Vous pouvez être indicé, mais. Je vais garder le dernier indice que j'ai pour la fin parce qu'il pourrait vraiment vous mettre sur la. Sur la bonne réponse. En gros, il pourrait. Voilà, tout de suite. On va faire. J'adore la synthèse, j'ai un esprit de synthèse vraiment très développé. Vous êtes sur la détente, un son agréable pour des personnes, qui a été diffusé sur Internet, et qui... Bon, après, ça, c'est moi qui le rajoute, qui n'a pas de vocation, en tout cas commerciale, ou à faire le buzz. C'est vraiment quelque chose qui a été fait de façon... Et ce son, on le trouvait sur YouTube ? Complètement, c'est de là qu'il vient. D'accord, donc on tapait tel titre et on trouvait ce son et les gens ont adoré écouter ce son. Exactement, alors les gens ont adoré... C'est un son c'était un titre anglais, ça vient des States, anglo-saxon, un son français. Par exemple, moi je vais écouter ce son-là, sur YouTube je tape quoi ? Un titre français, un titre anglais ? Si je vous dis quoi taper, je vous donne la réponse. Non, mais je vous demande, un titre français ou un titre anglais ? Un titre anglais, d'accord. C'est anglais, ouais, c'est anglais. Les commentaires ont été en anglais, je vous citerai un commentaire ensuite, les commentaires étaient en anglais. Après je suis bilingue donc je les traduis évidemment. Mais les commentaires sont en anglais. Après, quand je vous dis ça a fait le buzz, on est sur du 129 000 vues. C'est pas non plus... Non, mais voilà, ça a quand même été... Mais 129 000 vues avec du 99% de j'aime, quoi. Écoutez, je dois vous admettre, là, Jean-Bierre, que je bloque un peu. C'est normal. Est-ce que vous voulez réécouter ? Allez, réécoutons-le. Comme vous voulez. Très bien. Vous remettez ce casque ? Bon, ça ne va pas être pratique. On le réécoute à la cool. On n'écoute pas 30 secondes, on va écouter un petit peu, mais est-ce que ça va m'aider de le réécouter vraiment ? Je sais pas, réfléchissez par rapport à tout ce que on vient de se dire. Est-ce que j'ai déterminé le son ? Quelqu'un qui marche dans la boue séchée. Oui, bah enfin vous l'avez déterminé. Ouais. Est-ce que je peux trouver autre chose en l'écoutant ? Non, donc ne le faites pas écouter, Jean-Bierre. Vous pouvez réfléchir. Non mais Jean-Bierre, excusez-moi. Écoutez-moi, vous pouvez réfléchir à notamment à une réplique que vous avez eue avant l'émission. Donc là c'est en off, donc pour les auditeurs ça ne va pas trop leur parler. Oh là là, mais vous là avez là. Dit le terme exact. Que je cherche. ASMR. Oh, joli. C'est le son d'ASMR. C'est un ASMR ultra connu. D'accord. Oh là un là. Un ASMR ultra connu de quelqu'un. Et je suis sûr que vous ne pensiez pas que je connaissais ce terme. ASMR ? Ouais. Quand vous l'avez dit avant l'émission, j'étais un peu dégoûté. C'est ça. Hein. Ouais, j'étais grave dégoûté. Ah là là là j'étais là grave là. Dégoûté parce que du coup, justement, j'avais fait des recherches un petit peu. Enfin, des recherches tranquille, mais j'avais ouais, fait des en recherches en là-dessus. BU, quoi. Des voilà, recherches oui, en BU, quoi. J'ai fait 14 bouquins sur le sujet, fait une petite biblio que j'allais vous présenter. Et oui, tout, oui normal, voilà. Normal. Bon, après, le classique, quoi. Hein, quand on est journaliste comme nous, c'est normal. Du coup, oui, c'est un ASMR extrêmement connu d'une personne qui marche dans la boue. D'accord. ASMR, qu'est-ce que ça veut dire ? Association des sous-marins radioactifs. Exactement, Richie, exactement. C'est ça, hein. Oui, et... c'est ça. Et du coup, cette association des sous-marins radioactifs, ça fait... En fait, c'est des utilisations. On va expliquer aux auditeurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas tous. En fait, c'est des sons. Alors là, c'était quelqu'un qui marchait dans la boue. Des fois, c'est des gens qui vont, par exemple, frotter un ballon de baudruche avec leurs doigts, comme ça. Des... Je vois que vous êtes particulièrement fan des ASMR. Des fois, ça va être des gens qui vont chuchoter à l'oreille. Ah non, ça j'aime pas ça m'angoisse. Mais il y en a qui font ça. Ah ça m'angoisse. Parce que moi des fois j'écoute des associations des sous-marins radioactifs. Ah vous écoutez ? Ça m'est arrivé. Ah, je ne savais pas. Ça m'est arrivé parce que comme on va faire un pro, vous n'avez jamais entendu celle-là ? Non, jamais. Okay. Non, mais moi c'était plutôt j'aime quand on me parle. D'accord. J'aime quand on va m'emmener dans un autre univers, j'aime quand on va me faire voyager un petit peu. Après d'accord. Des bruits genre de vagues, tout ça. Alors le pire comme je vous le dis, c'est les bruits de gens qui me chuchotent à l'oreille. Parce que baleine. Ça me rappelle mon enfance. Vous avez les vu Corneille, violé par sa tante. Hein. Corneille, il le chanteur annoncé, ouais, il a annoncé violé par sa tante. Ah bon ? Ouais. Attends, il vous parle énormément de viol. Il a, dû il a dû chuchoter à l'oreille aussi. C'est hein. Stuff movie, ça va falloir super 8 ouais. mm. Vous venez de faire quoi là, pardon ? Alors, donc, ce que je voulais dire, c'était que j'étais... Alors, les auditeurs jugeront dans les commentaires, n'hésitez pas à être de mon côté. Donc, je suis Richie Booz. Richie Booz avait raison, comme il a dit, est-ce que c'est lié à la détente ? Est-ce que c'est lié à la méditation ? Oui. On a dit non, pas vraiment. Si, mais vous pardon, rigolez ou quoi ? Excusez-moi. Je vous ai dit mais il totalement. Me semble que j'étais totalement dedans et qu'à ce moment-là, on aurait dû me dire oui, vous y êtes. Oui, c'est ça, c'est de la méditation, c'est de la ASMR, c'est de la détente. Désolé, je pensais que vous étiez un peu plus pointu que ça. J'attendais non, un non, terme mais voilà. Précis. Donc, si vous devez refaire ce jeu à l'avenir, excusez-moi. Un terme précis que vous connaissiez en plus. Et que je connaissais. Très non, mais bien. Alors. Alors, j'ai ASMR, utilisation de sons particuliers qui stimulent certaines personnes et qui leur donnent des sensations étranges telles que des frissons. Point, orgasme cérébraux. Mais par contre, ah ouais, orgasme cérébraux. Oui, c'était noté. Il y a mais tous les orgasmes sont cérébraux. Pardon. Hein. Même un orgasme sexuel, ça se passe dans le cerveau. Je pense qu'on peut lancer un débat là-dessus. Ça se passe dans le cerveau. Tous cérébraux ou pas? Bah bien sûr. Oui, mais ça y est, c'est aussi physique aussi. Non mais tout est physique puisque ça rentre dans l'oreille un son. Ça rentre dans l'oreille. Non mais non, ce que je veux dire, c'est que tout orgasme, ça passe dans la tête, évidemment. Oui, mais il y a aussi une sensation, enfin quelque chose. Ah, tu veux toujours essayer de branler un paraplégique si tu crois que il va s'enflammer un mec qui a un légume, Vincent Imbert, on t'embrasse. Si tu crois que le gars il va commencer. Michael Schumacher, on t'aime. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient, Michael Schumacher? Il est toujours pas chaud. Ils l'ont mis dans une bagnole l'autre jour. Hein. Ouais, ils l'ont calé. Petit tour de voiture en plastique ouais, là. Ouais. Ça a pas marché. Non mais un orgasme c'est forcément cérébral. Oui, mais en général c'est aussi accompagné d'une sensation physique, que ça soit chez l'homme oui, ou la femme. Mais la sensation physique elle est auditive. Chez vous par exemple, vous déféquez. Oui. Chez votre compagne. Elle défèque. Elle défèque également. Je défèque chez ma compagne et sur ma compagne. C'est ça. Après voilà, chacun son ses trucs, je ne jugerai pas. Non, alors non, j'espère non, que les auditeurs sont pas un peu troublés. On passe un peu du coq à l'âne. Je pense qu'on y a du un coq petit à peu... l'âne d'ailleurs en parlant de compagne. Du coq à light. À l'âne. Comme. Allez. Oh. Alors on enchaîne. Vous inquiétez pas, c'est la première. On sait même. Oui. Comme je dis, on sait même pas si elle sera diffusée. Et si jamais elle est diffusée, j'espère que les gens nous diront merci de l'avoir diffusée. On n'aurait pas voulu rater ça. Mais arrêtez-vous là. Mais arrêtez-vous là, voilà, une c'est bien. XOXO. On appelle ta grand-mère, Richie, Richie, c'est fini quoi. Très bien. Tout ça pour finir avec ce premier son du futur, parce que oui, c'est le premier, hein. Va falloir qu'on. Hein le premier, 129 000 vues. Et surtout, ce que j'ai trouvé hilarant, le commentaire qui arrivait en tête, le plus plébiscité, on va dire, par les youtubeurs, parce que je l'ai chopé sur YouTube, disait: oh mon dieu, j'espérais que ça soit plus long. Si tu retournes dans cet endroit. C'est ce qu'elles disent toutes. That's what she said. Si tu retournes à cet endroit, peux-tu faire une vidéo plus longue et aussi prendre des bouts de terre et les émietter avec tes doigts? Oui, on est sur un fétichiste quoi. Là, on est sur un grand malade. Fétichiste qui aime que la boue quoi. La vidéo dure que 2 minutes 45, donc forcément les gens n'ont pas eu le bah, temps. Bah les gens sont voilà. Un petit peu en demande quoi, on ils sur en la veulent plus. On est ils sur en la veulent plus. On est de retour dans l'émission sans nom, l'émission toujours. Qui trouvera peut-être un nom bientôt. On attend vos propositions, le téléphone ne sonne pas. Et donc, on s'était quitté, mon cher Jean-Bierre, sur la réponse de votre son du futur, oui. Qui était donc l'ASMR, un son qui avait bien plu en ASMR, qui avait fait 130 000 vues. C'est ça, 129. Et ouais. Quand même le plus funny, pour rester dans le côté un peu américain. Oui. C'était le commentaire de la personne qui voulait plus de boue. Que et si on pouvait les émietter avec voilà, les doigts, ça serait quand même la personne un petit peu ouf. Bon. Ça, voilà. Deuxième son. Alors, deuxième son extrêmement particulier. Ah oui, c'est vrai. Attendez, je remets mon casque, mon cher. Allez-y. Deuxième son extrêmement particulier. Vous allez entendre vraiment des choses assez étranges. Il faut savoir que tout ce que vous allez entendre est issu de la même source sonore. C'est-à-dire que c'est pas différents une prise, bruits. Quoi. Voilà, une prise, certes, mais c'est pas différents bruits qui ont été captés, etc. C'est une prise, le même. Hein pardon une prise, quoi. Oui. Ah, dites-le, Jean-Bierre. Oui, mais non, une prise, c'est pas pareil. D'accord. Non, mais je parle pas de la prise pour pencher son rasoir. Non, vous parliez de la prise de karaté. Alors, envoyez le son. Fou. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 4. Je pas. On est sur une alarme. Alors, Jean-Bierre. Allez-y. Si je peux me permettre. Allez-y. Comme je vous disais, j'étais un fan de zoologie et aussi oh de... non. Non, mais je suis aussi un grand fan d'ornithologie oh et des là oiseaux. Là. À ce point-là, vous êtes et vraiment donc, fort à ce point-là. C'est un oiseau oui. Qui fait ce bruit-là. Alors, le nom de l'oiseau, je ne saurais pas le retrouver, mais je suis convaincu que c'est un oiseau qui a la capacité, qui ressemble pas du tout à un perroquet. Non, pas du tout. Pas du tout un perroquet, c'est plus une sorte de ménage. Alors déjà, excusez-moi, mais vous avez trouvé que c'était un oiseau après 28 secondes d'écoute. Non, sans le reconnaître, mais parce que je connais, je m'intéresse beaucoup aux oiseaux. Et que je connais cette espèce qui a la capacité. En particulier, en fait, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est la tronçonneuse. Vraiment. Exactement, c'est cette la capacité de reproduire. Pu, j'étais parti sur une alarme de voiture. C'est pour ça que quand vous avez dit ça, ça m'a fait sourire. La tronçonneuse, ça m'a vraiment. Parce que je sais que cet oiseau a la capacité rare d'imiter les bruits à la perfection. Exactement, c'est impressionnant. Alors, ouais. Et donc, le nom de l'oiseau, est-ce qu'on m'accorde la bonne réponse, Jean-Vierre? Ah, bah complètement. Voilà, bah bah, je suis très heureux. Sans même avoir posé de questions, vous avez trouvé. Non, mais trouvé... parce que j'aime beaucoup les animaux. Je sais pas ça que vous aimiez notamment les oiseaux, je la mets à l'envers. Ah si, si, si, les oiseaux, j'adore les oiseaux. Okay. J'avais un dictionnaire d'ornithologie quand j'étais enfant. Je crois que vous alliez dire un oiseau, non? Non, juste j'avais un pas d'oiseau parce vous que justement quand aussi on aime les oiseaux, on n'en a pas après. C'est vrai parce qu'autrement c'est triste. À moins qu'on habite. Dans un four. Exactement, pas de réponse. Non, mais donc j'adorais les oiseaux, j'avais un dictionnaire d'ornithologie. D'accord. Et donc moi j'ai grandi en Bretagne, on peut le dire aux auditeurs, vous aussi. Jean-Bierre. Oui, exactement, ouais, j'ai grandi en Bretagne. Bretagne et moi, par contre, j'ai grandi un peu en Bretagne, mais. Bretagne plus dans Sud, une... quoi. Ouais, et puis dans Marrakech. Une cave un peu quand même. Bretagne Sud, et Marrakech. Donc, et j'avais ce petit dictionnaire, et c'est vrai qu'on ne connaît pas assez le nom des choses, je trouve, dans c'est notre vrai société, le nom des plantes, le nom des. Même des rues, on ne sait plus, on se prend des GPS. Et moi, exactement, j'étais fasciné par le nom des choses quand j'étais enfant. Je voulais connaître le nom de chaque oiseau, le nom de chaque chose, comme tous les enfants le font. Ouais. Mais j'ai poursuivi cette obsession assez longtemps. D'accord. Jusqu'à maintenant, et j'aime connaître le nom des choses. Mais là, je l'ai oublié. Très bien. Je suis très heureux que vous me rappeliez ce nom-là. Oui. En fait, ce nom, enfin cet oiseau, pardon, il a plus ou moins deux noms. Il y a l'oiseau lyre, qui est L-Y-R-E. Et autrement, comme il y a le lyre, en fait. Hein? Comme l'instrument. Oui, comme l'endroit où on peut dormir le soir quand on va se coucher, quoi. Ah, pardon. Très bon, Jean-Bierre. C'est là où on reconnaît que vous allez aimer Jean-Bierre dans l'émission. Oui. C'est qu'il est toujours... C'est jamais le dernier pour une bonne non, main. J'adore ça. C'est jamais le dernier. Toujours l'humour. Et autrement, il s'appelle le Ménure également. Le Ménure, bah, comme Ménure dans Astérix. Oui, exactement. Obélix, il a toujours un Ménure derrière lui. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors en fait, c'est un oiseau. Parce qu'en fait, là, on croit qu'on raconte des bêtises et tout ça. Non, on est là pour informer les auditeurs. On a parlé d'ASMR, des choses qu'ils connaissaient pas forcément. Je suis persuadé que ça va changer la vie de certains de nos auditeurs. Là, clairement, ornithologie. Ornithologie. Tout à fait. Oiseau originaire d'Australie qui vit dans les forêts, qui a une grosse queue composée de plumes. Ça me rappelle quelqu'un. Mais ça me rappelle surtout quelqu'un qui lit une fiche Wikipédia. Pas du est-ce tout, je pas du tout. Non, non, dictionnaire Hachette, édition 2016. Et en fait, ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est un oiseau qui peut imiter environ une vingtaine d'espèces différentes et des bruits artificiels, on l'a entendu. Bah, telle la tronçonneuse, telle l'alarme de voiture, exactement. Vous êtes prêts? Il y en a encore un? Il y en a un dernier. Oh là là là là, ça il y en a un dernier, pas. Vous allez voir, ça va être très très court. Très très court, mais par contre très très intéressant. Ah bah, vraiment écoutez, très intéressant. Je suis prêt. Allez-y. Alors, déjà, j'ai quelques remarques sur ce son, c'est que j'entends des gens parler derrière. Oui, c'est donc un groupe de gens. Donc j'imagine que c'est peut-être dans un zoo. C'est très dérangeant en effet. Est-ce que c'est dans un zoo? Oui. Dans un oui si si, si c'est si, ça si. Et c'est ouais, des gens qui observent un animal faire quelque chose qui pourrait nous paraître amusant. Exactement. Pour nous autres humanoïdes. Oui, bah c'est sûr, oui, le bruit est amusant, ouais. Mais c'est un animal qui est en train de faire quelque chose de spécial dans sa vie. Exactement. Qui ne fait pas souvent. Non, en effet, pas souvent, non. Est-ce que c'est un mammifère? Mammifère du coup qui bah qui pond des œufs, hein. Bah oui, hein. Alors on sent que Jean-Bierre numéro 1 sur la zoologie, hein. Qu'est-ce que c'est un mammifère? Programme de CE2. Bon bah voilà, on est sur sur de... mammifère, oui oui, il pond des œufs, enfin oui oui, si il pond des œufs, oui. Donc si. Un ovipare. Arrêtez de me, je n'ai pas fait latin, moi. Oviparus, oviparim. Oui, rosace, rosace. C'est encore un oiseau? Non. C'est un paresseux? Non. Donc c'est dans un zoo? Oui. C'est dans un zoo, oui, oui. Dans un zoo, oui, si, on va dire que c'est dans un zoo, mais ça n'a pas d'importance, le lieu. Le lieu n'est pas important. Oh, calmez-vous. Hein. Oh, pardon, excusez-moi. Je voulais pas être désagréable. Alors, donc moi, je suis parti sur un animal qui est en train de faire caca et qui fait un bruit spécial quand il fait caca. Très bien. Hein. C'est ça? Non. Donc un oiseau? Mais non. S'il pond pas des œufs? C'est pas un oiseau. Un animal marin? Oui. Une baleine? Non. La baleine pond des œufs. T'imagines le dégât. Imaginez. Bonsoir, monsieur, dame. Premier restaurant d'omelette de baleine. Tranquille, tranquille. Petite on fait que pour, baleine, que pour des tables de 12. Réservé à 12. Tranquille. Une omelette de baleine. Ah bah on cherche des employés d'ailleurs. Très difficile. Et puis si vous avez des poêles assez grandes. Des poêles? Des poêles. Oui. Au Portugal. Les grosses têtes, on n'oublie pas Laurent Ruquier, on te salue. Laurent Ruquier, on t'aime. Et Bouvard de même. Bouvard, on t'oublie pas. Donc des œufs de baleine, non, ce n'est pas ça. Donc un truc qui vit dans l'eau et qui pond des œufs. Un poisson, simplement. Non. Un truc qui vit dans l'eau. C'est pas un poisson, t'es sûr? Ah non, c'est... Mais oui, oui, je suis sûr, oui. Un poissonidé. C'est sûr. Un poissonidé, non, c'était... Désolé, Richie Booz, mais ce n'était pas un poissonidé. Ah, des animaux marins qui vivent dans l'eau. Enfin, des animaux marins qui vivent dans l'eau, déjà, il y en a pas mal. Mais par contre, qui pondent des œufs, il y en a pas tant que ça. Réfléchis. Genre un petit peu un reptilien? Oui, exactement. Un alligator? Non, mais non, non. Mais oui, non, non. Mais par contre, vous avez raison, j'aurais dû le mentionner, un reptilien, ouais. Ouais, complètement. Ouais, bah voilà. Bah, réveillez-vous, Jean-Bien. Non mais les gens nous écoutent, les gens essayent d'être passionnés par l'émission. Si vous partez sur des fausses infos, les gens ils décrochent, ils vont sur les grosses têtes de Laurent Ruquier. Je vous rappelle que les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est notre premier concurrent. Alors nous on est sur ce créneau. Donc là il faut être chaud patate. C'est pas le moment de chier dans la colle, Jean-Bière. Alors concentrez-vous, on reprend. Ce sera coupé ce petit coup de gueule. Sinon moi je vous fais tourner dans les faucons de Morandini et c'est pire. Morandini, parlez pas de lui en ce moment, il est suffisamment en difficulté comme ça. Il est suffisamment, on va pas tirer sur l'ambulance. Non, exactement. Alors donc plutôt un reptile. Oui. Pas un alligator, ni un caïman, ni un crocodile. Ni un crocodile, non. Un varan? Non. Un lézard? Non. Un serpent? Non. Un lézard, ça va dans l'eau? Bah oui. Le lézard du lac de le Val-Vert. Le lézard des eaux? Le Val-Vert. c'est un batracien? Grenouille? Non. Batracien? Grenouille, peut-être. Il va comprendre, grenouille, peut-être, ce con là. Aidez-moi là, je suis perdu. Il y a eu des films. Quoi, sur, des films sur ce genre d'a... Ah, laissez-moi développer. Ah, c'est un Gremlins. Non. C'est un Gremlins. En fait, il y a eu des films sur ce genre d'animaux qui représentent, en l'état actuel des choses, très peu d'intérêt. Mais par contre, en film, ils ont, on va dire qu'ils ont allé un peu muter. Et du coup, ils ont fait un film dessus. Il y en a eu plusieurs. Il y avait un dessin animé quand vous étiez. Non. Denver? Non. Les derniers dinosaures? Non. C'est mon ami et bien plus encore. Encore Denver? Non, c'est pas ça. Ça vit dans des égouts, c'est accompagné... Ah, les tortues! Voilà, c'est une tortue. Ah, je sais, c'est une tortue qui fait caca. C'est... Non, mais vous êtes pas loin. Pipi? Qui baise. Ah, c'est le tortue. C'est, ah, c'est une le tortue, coït, une tortue qui baise. C'est une tortue. Oh là là, c'est là, deux là, tortues mais... qui baisent, du coup. Mais est-ce que vous voulez qu'on réécoute ce non. son? Non, alors déjà, non. Absolument pas. Je ne veux pas réécouter une tortue. Allez, qui baise. Une petite tortue. Écoutez, qui attendez, baise. Vous m'avez fait quoi? Oui. Une personne qui marche dans la boue. Oui. Un oiseau qui imite la tronçonneuse et des tortues qui baisent. Excusez-moi, mais je vous avais prévenu que ça allait être dur. Moi, je me suis dit, il va me faire un son, ça va être. Oh bah, c'était le troisième violon dans Bach. Non. Non, le mec, c'est une tortue qui baise. C'est ça, un mec qui marche dans la boue, un oiseau qui a une grosse queue plein de plumes et qui imite des alarmes de voiture. Et c'est deux tortues qui baisent. Mais alors, les tortues baisent à peu près à quelle fréquence? À quelle fréquence les tortues baisent? On est sur de à peu près. Quelle race de tortue? Est-ce que c'est la tortue lutte? Non, ah bah non, vous êtes fou quoi. Bah non, non, bien. Mais parce qu'en fait, la tortue lutte ne fait des coïts que de façon très très rare en fait. D'accord, mais je ne savais pas, excusez-moi, je suis pas un spécialiste. C'est pour ça qu'elle est en voie de disparition, la tortue. Je suis pas un spécialiste de tortue. Si, non, complètement. Non, c'est une tortue standard, une tortue que. Et c'est ça qui est très drôle, que vous pouvez acheter chez vous et que vous pouvez justement voir copuler comme ça. Après, ça copule pas très souvent. Mais il faut trouver un mâle et une femelle. Ah oui, c'est mieux, oui. Parce que je crois qu'en termes d'homosexualité, les tortues sont pas encore méga ouvertes. Hein. Ouais. Bah, vous avez jamais regardé les tortues ninja? Pas votre version. Si Maître Splinter il se balade en peignoir dans les égouts, c'est pas pour je rien. Crois que le film que vous, dont vous voulez nous parler s'appelle 8 mm de tortue ninja. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Jean-Bière. De rien. C'était un plaisir d'avoir ces trois sons. Vous en avez pensé quoi? Moi j'ai trouvé ça très agréable. Très bien, parfait. Même si j'étais un peu blousé sur le premier. Ouais, dans désolé. Le sens où j'avais l'impression de pas devoir deviner ce que c'était. Oui. Mais à quoi ça correspondait alors que les deux autres étaient parfaits. Très bien. Je retiens pour les prochaines fois. Prenez note. Je retiendrai. Et la prochaine fois on verra si. Complètement. Eh bien, si l'aventure continue pour vous. Okay. Alors on va continuer tout de suite. D'accord. Parce que vous avez parlé de quelqu'un que l'autre moche de tout à l'heure, je sais même plus comment il s'appelle. Et moi non plus d'ailleurs. Ah non, ça c'est pas bien. Je rigole. Non, il s'appelle comment l'autre? Ernest Moniz. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway Moniz. Il s'appelle Ernest Moniz, oui. D'accord. Physicien et homme politique. Tout à fait. Né à New Balance. Ernest New Balance. Alors c'est à moi de parler de quelqu'un. Allez, de caca? Ouais. Bah c'est la personne du jour. Hein. Ah, j'ai cru que vous aviez dit caca. Alors, mon cher petit ami. Oui. Alors, quand on dit petit ami, ça peut être pris à double sens. Oui. Et c'est parce que vous êtes petit et que vous êtes mon ami. C'est vrai. On peut rappeler mes mensurations, s'il vous plaît. De toute façon, maintenant, je suis plus à ça près, je pense. 1m20. 30, grand max. Tout à l'heure, quand même. Non, mais grand max. Okay. C'est-à-dire grand max, peut-être 1m25 si on tire un peu. Oui. Et puis, on est sur du 160 kg. Ah, vous avez vraiment tout mis pas à mon avantage. Bah, peut-être qu'on mettra une photo si on a un site internet un jour. Les gens verront vos gueules. Très bien. Votre gueule, votre gueule. On est des Siamois en fait. C'est... Ah, on a vraiment pas de chance. Non, c'est pas gâté. C'est... Alors, le gars du jour pour moi. Oui. Ah oui, alors, allez-y. Alors, moi, c'est Gabriel Amorth. Amorth. Amorth. C'est un prénom, ça? Gabriel, c'est un nom de famille. C'est un prénom, oui. Oui, mais Gabriel, c'est un nom de famille. Si je vous dis qu'il est né le 1er mai 1925, en Italie. Il est vieux. Il est mort, d'ailleurs. Oui, surtout. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il est mort très récemment. D'accord. Attends, il est mort... Attendez, en 25, il est mort récemment? Oui. Ok. Il est mort en 2016, il est mort il y a quelques semaines. Mmh. Et c'était tout simplement... Alors là, on va partir dans une ambiance. Je demande au régisseur de nous mettre une petite musique un peu mystérieuse. C'était ouais. Tout simplement la personne qui a été l'exorciste du Vatican pendant 37 ans. Ooh. L'exorciste officiel du Vatican pendant 37 ans. Eh, parce que donc au Vatican, il y a un exorciste qui est alors, là. Non seulement il y a un exorciste au Vatican, mais il y a un exorciste dans tous les diocèses de France. Il y en a à Versailles, il y en a à Chartres, il y en a à Paris. Vraiment ? Bien sûr. C'est des gens payés par l'Église ? C'est une confession de prêtre les plus anciennes qui existent, et c'est donc les exorcistes. Alors, c'est-à-dire que quand tu passes ton diplôme de prêtre... Alors déjà, c'est pas un diplôme de prêtre, pas réellement comme ça. Non, c'est des catégories qu'on choisit. On peut choisir la vie séculière, la vie régulière... Mais c'est comme moine, quand tu commences Diablo 2 ? Tu dois choisir un peu quelle option tu vas prendre. Et il y en a qui disent exorciste, quoi. Exactement, c'est okay, un peu ça. Ok, d'accord, très bien. Ouais, c'est marrant, ça, je savais pas. Alors, c'est une personne qui a été vraiment très importante dans l'exorcisme. Alors, ça peut vous paraître surprenant que je parle d'exorcisme tout d'un coup. Mais non. Bah, de toute façon, vu tout ce qu'on... Mais parce qu'il est mort il y a deux semaines. Il est mort fin octobre, d'accord. Je crois. Fin septembre, pardon. Ouais. Oui, d'accord. Et donc, il est mort de quoi? De vieillesse, j'imagine. Il est mort de vieillesse. Oui, il est né en 25. Hein. Oui, non, ça se comprend, oui. Il a fondé l'Association internationale des exorcistes. De quoi? De France? Du monde? Non, mondiale. Ah oui. Le fait d'association internationale, en fait. L'Association internationale des exorcistes de France. Je vous ai dit que je... Les mecs, ils veulent se donner de l'importance. Non, c'est ça. Mais moi, ce qui me fascine... Pourquoi je vous parle de ce mec? Allez-y. Moi, il me fascine parce que pour lui, il y a vraiment... Il a une vision de l'exorcisme qui est très intéressante. Il avait une vision de l'exorcisme qui est très intéressante. Ouais. C'est-à-dire qu'on va se dire un exorciste du Vatican pendant 36 ans, un vieux gars, voilà, c'est un ouf. Dès qu'il y a un mec qui a la diarrhée, il croit qu'il est possédé, il va faire des trucs. Oui, parce que concrètement, qu'est-ce qu'il faisait au quotidien, cet homme-là? Le gars a exorcisé 196 000 personnes. 16 000 196 000 personnes, durant son mandat, si on peut dire. C'est un mandat du coup. Il était en fait, et ce qui était génial avec lui, c'est qu'il distinguait la possession, la maladie mentale et le jeu de provocation. D'accord. Il y avait des provocateurs qui venaient un bien peu. Bien sûr. Okay. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bah voilà, c'est le gars du Vatican, il pense qu'il est bien content de trouver des preuves du malin, il va se dire que tout le monde est possédé. Ouais. Alors qu'il était complètement très différent de ça. Et le gars tellement immergé dans sa profession qu'en fait, il savait qu'il y avait des gens qui allaient un peu se moquer de lui. Et non seulement, pour lui, c'était fondamental. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il fallait toujours une expertise médicale avant tout exorcisme. Ah ouais, très intéressant. Déjà un religieux sans vouloir voilà, mais un religieux qui surtout né en 1925 qui préfère qu'il y ait une analyse médicale avant, ouais. C'est déjà assez novateur. Alors, on peut penser que c'est novateur de premier abord, mais en fait moi je trouve ça vraiment lié à la vision de l'exorcisme dans la religion chrétienne. Alors ouais. Là on part sur un truc qui peut être un peu bizarre, mais non, il a écrit beaucoup de livres. Ce qui est très intéressant, c'est que ce gars a écrit beaucoup de livres qui sont traduits en français. Enfin, ça, donc ils sont ressortis, vont être réédités sûrement parce qu'il vient de mourir. Mais même lui, il a parlé dans un de ses livres du film L'Exorciste. D'accord. Alors on lui a dit, mais écoutez, vous êtes un des plus grands exorcistes de... du monde, puisque du c'est monde. L'exorciste du Vatican officiel pendant 30 ans. Puis international. Voilà. Et il a dit, c'est pas complètement faux l'exorciste. D'accord. C'est pas complètement faux. Un peu comme Ernest Moniz qui dit que Stranger Things n'est pas complètement exactement. Faux. Exactement. Mais lui, il a dit, c'est comme pas... quoi on est balèze. Ah, la vache, c'est impressionnant. Et il a dit, c'est pas complètement faux, mais dans la vraie vie, dans la réalité, ça va jamais aussi loin parce que ce serait, si le diable se manifestait de façon aussi réelle, de façon aussi patente, ouais. Ce serait de fait la représentation de l'existence du diable, donc la représentation de l'existence de son opposé, de Dieu. D'accord. Il dit, le diable ne voudrait jamais ça. D'accord. Donc il dit, c'est toujours des choses un peu plus ténues, un peu moins violentes, un peu moins manichéennes. Ça ne va jamais dire, voilà, je suis Satan, oui, viens, voilà. Oui. Ça n'arrive jamais. D'accord. Il a été très proche de Jean-Paul II, évidemment, qui était lui-même prêtre exorciste, avec qui ils ont fait plusieurs exorcismes ensemble. Attends, vous voulez dire que Jean-Paul II tout à fait. A pratiqué des séances d'exorcisme. Tout à fait. Ok. Et donc, un des livres dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un de ses, en gros, un best-seller, je ne sais pas si on peut parler de ça, parce qu'au niveau des ventes, ça reste relativement minime, mais... Oh, 2000, c'est pas mal, quand même. Moi, le dernier exorciste, une lutte contre le mal, en 2013. Très bien. Et il revient sur pas mal d'affaires, de scandales. Il avait une vision vraiment très intéressante, quoi. Pour les gens qui sont croyants, pas croyants, enfin, je crois que vous, Jean-Bierre, vous n'êtes pas particulièrement croyant. Non, je pratique un peu le bouddhisme, mais vraiment en loisir. Voilà, le quoi. Bouddhisme, le dimanche, entre un jogging, un brunch. C'est voilà. Ça, je me mets un rideau de douche et puis c'est parti, quoi. Mais voilà. Mais moi, en fait, toute cette histoire, ça m'a posé une question. Ça m'a interrogé. Alors après, Jean-Bierre, vous me direz, chez vous, vous me direz aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. On attend que le téléphone sonne. Hein. Moi, ça m'a fait poser une question. Est-ce que la maladie mentale et la possession, en fait, ce ne serait pas tout simplement une façon de nommer la même chose? C'est-à-dire qu'on peut croire que c'est parce qu'il ne croit pas au démon que le prêtre dont je parle depuis tout à l'heure, on se dit en fait il ne croit pas au démon réellement. Donc ouais. Il dit que c'est de la maladie mentale, en fait il ne croit pas vraiment à ce qu'il fait, mais il le continue parce que... Ou alors on se dit il fait peut-être preuve d'ouverture d'esprit pour soigner les gens en disant allez je vais aller vers le médical, etc. Mais en fait est-ce que la psychiatrie, l'exorcisme, même la psychanalyse, ouais. Ce sont simplement des mots différents pour désigner la même chose? C'est-à-dire une vision du monde différente, mais qui ne s'oppose pas pour soigner des gens. Parce que quelqu'un, ça peut nous paraître fou, un exorcisme religieux. Bah, un petit peu, oui. Enfin, alors que quelqu'un qui va faire une psychanalyse. Mm-hmm. Moi, j'étais dans le... Donc, j'ai pris le train de banlieue pour venir ici tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et j'ai quelqu'un qui était en face de moi. Pour qui venir était chez votre grand-mère, oui. Voilà, qui était un étudiant qui a dit « J'avais des maux de tête jusqu'à ma psychanalyse. » Ah, intéressant, très intéressant comme témoignage. Et je vous promets que c'est une histoire vraie, que j'avais déjà prévu de parler de ça, mais je ne pensais pas que j'allais entendre ça. C'est-à-dire que des mots physiques, ouais. Par la parole, peuvent être extraits de soi. D'accord. Voilà, on peut imaginer, donc je trouve ça très intéressant en fait, se dire que ce n'est pas seulement d'un côté les religieux qui vont dire c'est le démon, waouh, c'est horrible, et l'autre les médecins qui vont dire oh non, mais vous inquiétez pas, vous avez marché sur une ortie, c'est oui, rien. C'est, ouais. Et en fait, c'est la même chose, quoi. C'est des mots qu'on se fait soi-même, un peu ce qui est lié au placebo, et d'accord. Qu'il y a plein de façons de les exorciser. Pour quelqu'un qui serait très religieux, il va perdre ses mots, ses problèmes, ses douleurs en mm-hmm. se faisant exorciser. Quelqu'un mm-hmm. qui est très sur la psychanalyse, qui est très cartésien, va se dire oui, c'est normal, comme Corneille, ma tante, elle m'a violé, c'est pour ça que j'ai mal à la tête. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non. Tu vois, en fait, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ce sera... On reste sur le... Ouais. Ce sera... Tu sais, en fait, c'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. Oui, très bien. Oui, non, mais complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'en viens ou pas? Non, mais je vois tellement. Je trouvais ça intéressant et ça m'a fait penser à ça, c'est la mort de ce gars-là qui a quand même été 37 ans. Est-ce que vous avez lu ce livre, du coup, paru en 2013? Non, vous l'avez pas lu? Non, je l'ai pas lu. En fait, je suis tombé sur certains trucs de par mon travail. Donc oui. J'en parlerai pas maintenant, mais Jean-Bierre connaît un peu... Je connais en effet votre, vous connaissez votre travail que je fais. Vos nombreux travaux d'ailleurs. Et je suis tombé sur cet article et j'ai trouvé ça... Bon déjà c'est fascinant, tu vois, t'as le titre, vous voyez... Oh là là, ça va être compliqué le mouvement. On va rester poli. Hein. Ça va être compliqué le mouvement. Oui, voilà. Vous voyez Jean-Bierre? Oui. C'était la personne du jour. Il est mort. Rappelez-nous le nom. Le nom de la personne. Oui, eh bien c'est tout simplement Gabriel Amorce. Gabriel Amorce. Voilà. Très bien, parfait. Et eh ben écoutez, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très c'est intéressant. C'est vrai, ça vous a plu. J'ai trouvé ça très là, intéressant. Là, on part un peu dans des sujets un petit peu dans oui, tous les mais... sens, mais moi je trouve ça bien. On a dit, on moi fait je veux ce qu'on que ce soit un frichti, un méli-mélo. On est chez votre grand-mère, au voilà. KLM, comme disent les jeunes. Ma grand-mère a été exorcisée plus d'une fois. Oui, ça n'a pas forcément abouti. Après, ça, voilà, ça dépend. Bah oui, c'est en voie de marche, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on l'a entendu gratter à la porte tout à l'heure. Bon, on s'est dit, bon, voilà, peut-être que oui, un puis peu elle Prozac sur, et les elle, elle marchait sur le plafond quoi. Oui, bon, ça c'était bizarre, mais pff, après vous savez. On arrive à un mot de l'émission charnière, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire même crucial. Même crucial, puisque on arrive à la. On a un invité. C'est vrai. C'est vrai, ça on l'a caché aux auditeurs depuis le début. On... parce qu'on voulait pas les appâter. On a invité d'honneur. On voulait pas les appâter inutilement avec non, des non. guests. Non, non, on voilà. nous va pas teaser pour faire genre non, rester non. jusqu'à la fin, on a un invité. On n'est pas là pour ça. On a un invité qui est présent. Alors moi, je suis un peu moins anglophone, un peu moins à l'aise que vous. Donc vous allez l'interviewer. Oui. Et donc je crois qu'on l'a au téléphone. Ah, très bien. Ah, le téléphone Panthère hey, a enfin marché. Hey. Hi. Hey, hello. Yes, hello. Who are you? Hey, Sabiche ou quoi? Yeah. Ok, fine. C'est Donald. Très hey, bien. Hey, je viens pour la première émission là. C'est bien ou quoi là? Ouais, c'est pas mal. C'est quoi le titre là? Le titre? We wait auditors call on ah, the c'est quoi the boy phone. Ça va boy yeah I'm écoute fine. J'ai un I'm scoop là pour toi là. Ok yeah je vais arrêter le mur, tu connais qui je suis ou quoi? Donald, du coup vous avez une grosse fortune. C'est Donald, je suis vous Donald avez, Trump. Vous avez une grosse fortune, yeah. vous avez collaboré pendant de très nombreuses années avec un homme qui s'appelle Walt yeah, Disney. Yeah baby, no. Ah, oh sorry. C'est pas moi. Ah, ok. Moi je suis Donald Trump. Ah, sorry. Tu t'es trompé de canard. Ah. J'aime le français, ils ont l'humour comme ça. Ils Et... sont marrants, j'aime ça. J'ai un scoop mon petit. Boy. Ok. J'ai un scoop. Je vais arrêter le mur avec le Mexique. Je stoppe ça. Vous allez l'arrêter. C'est pourri parce que j'ai compris que les Chicanos. C'est-à-dire que vous allez arrêter. Je vais pas le faire. Ah, vous allez pas le faire. Non, don't make it. Pourtant, vous êtes allé au Mexique il y a très peu ouais, de temps. Ouais, mais pour... je vais pas faire le mur finalement, justement parce que j'étais au Mexique et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de Chicanos qui allaient voter pour moi. Les c'est mangeurs vrai, de tacos vrai. Et de chipotle. C'est ils vont vrai. Voter pour moi, donc j'ai compris qu'il fallait pas que je vote. Vous allez voter, vous, en France, vous êtes bien pour la folle, vous. Vous aimez la folle, vous. La folle? Yeah, la folle, Hillary Clinton. Ah, vous votez, oui. Vous aimez bien la folle, même. Crazy girl, par yeah. contre, je fais pas le mur en bas. Ok. Vers le Mexique, mais je fais le mur en haut vers les Canadiens. Oh, pourquoi? Vous avez putain de terroristes canadiens de merde. Il y en a eu des... les bouffeurs de sirop d'érable qui vont nous envoyer des élans piégés, là. Les enculés. Et je fais aussi un mur... sur l'ouest, vers ouest. Le Japon là. Le... Oui, d'accord. Regarde le problème. On a perdu toutes les guerres, nous, comme des bread. C'est vrai la que... Corée, l'Irak. C'est vrai que vous n'avez pas été très brillant. On a tout perdu, le Vietnam. Donc le Japon, les personnes couleur pipi, culotte. Je vais couper un mur sur l'ouest. Comme ça, je vais bloquer le tsunami. C'est leur arme de destruction massive. Ils nous envoient un tsunami sur la gueule. Ils vous envoient un tsunami sur l'Oregon et le Montana. Mais je veux pas ça, maman. Ok, très bien, je comprends. Donc, Je veux pas ça, ok. Tu vas voter pour moi, boy, ou quoi? Je ne peux pas. Vous savez très bien que je ne peux pas. Moi, je viens au stage, je fais un entrée de séjour. Une entrée au stage pour voter pour vous? Tu sais que tu m'es sympathique, boy. Mais comment tu t'appelles? Jean-Bierre Bernard. Je connais bien France, tu sais. C'est vrai? Il y a Montélimar. Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous connaissez de la France? La porcelaine de Montélimar. C'est vrai. Dijon. Les nougats. Le Colisée. Les nougats. La feta, la bière. La feta, ouais. Le vin rouge fumé. Le vin rouge fumé, en effet, ouais. Tu sais, moi je me suis fait tout seul. C'est pour ça que les gens vont voter pour moi, parce que moi je me suis fait tout seul. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont voter pour yes. moi? Yes. Parce que je suis un gars qui vient de la rue, j'ai grandi à Harlem. Ah j'étais bon tout petit, j'avais 8 ans, baby. J'ai pas pareil sur mes oui, fiches. Oui, baby, j'avais 8 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez, Harlem? Vous, alors, vous breakiez un peu ce que vous breakiez? Tu sais ce que je faisais pour survivre? Non. Je mangeais les Ronyard Young des Afro-Américains. Ok. Et j'ai fait une allergie, c'est pour ça que j'ai une calvitie à 9 ans. C'est... Oui. Pas évident. Et pas j'ai dû retrouver dans tous les coiffeurs afro de Harlem pour me faire une perruque. Et après, quelle a été quelle a été votre kéké? J'ai dû faire une perruque en poil de kéké, tu sais, boy. C'est pas facile. Mais heureusement, comme tu le dis après, j'ai fait un stage dans l'entreprise de mon père, de Fred Trump. Oui, donc est-ce qu'on peut nuancer le fait que vous êtes vraiment construit tout seul, en fait? Enfin, vous avez fait quand même une entreprise, enfin un stage, je veux dire, en définitive, c'était votre stage de fin d'études, ou c'était peut-être votre stage de troisième, d'ailleurs, non? C'était mon stage de BTS. BTS. Ooh. BTS, ok. Tu sais, on m'appelait Dickhead. Oh, why? C'est like un handicapé chez vous. Ok. Comme Marion Cotillard. Ou Mimi Mati, le petit qui fait des sortilèges. J'aime cette série. C'est vrai. On fait des bonnes séries en France. C'est vrai, on fait des très bonnes séries. Les Revenants. Exactement. Même je préfère la version américaine. Qui s'appelle The Revenant. Exactement, c'est vrai, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous mais dire... Mais vous êtes bête en France. Pardon, ok. Il faut faire pan-pan. Pan-pan. Il faut faire pan-pan. Kim Kardashian, notre égérie à nous. Oui. Notre Edith Piaf. Elle est venue, elle s'est fait voler ses bijoux. Si nous, on avait été fait pan-pan chez vous, si Mimi Mati, elle serait venue chez nous, on aurait été tranquille, on aurait protégé. Vous voulez ce Kim Kardashian? Oui. La belle gosse? Non, mais c'est vrai, mais... Hey, boys. Ok, boys, dis-moi les choses, là. Désolé. Je vais devenir le maître du monde. C'est vrai, je sais. Et vous l'êtes déjà, quasiment, Monsieur Trump. Yeah. Yeah, but... Vous avez laissé voler les bijoux à Kim K. Oui, après... Kim K. Avec son mari, Kenny... West. Est-ce que, après, vous êtes intime avec cette personne? J'aime la personne. J'aime la personne. Je l'ai niqué comme Cara Bruni Sarkozy. Oh, très bien. Vous êtes... Ah, ok. Je l'ai niqué tout à fait. Première nouvelle. Avec la bite dans le vagin. Dans... Comme on dit en France. La bite dans le vagin, oui. Il y a le French kiss aux États-Unis. Il y a Kékette dans Trou Fumant. Trou Fumant, The Gate. Très good movie. Very good movie. La fissure. La fissure, exactement. The Fissure. Fromage de Montélimar. Nougat de Montélimar. Fromage. Fromage aussi. Fumé. Ah oui, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous venez faire en France? Vous êtes en campagne, certes. Vous avez déjà connu François Hollande. Yes. Sarkozy, vous le connaissez également. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire là actuellement ce que vous faites en banlieue parisienne dans une cabane de jardin? Pourquoi, en fait, c'est ça ma question. Pourquoi vous avez accepté l'invitation? Je suis venu pour parler avec la petite génération d'obèses. Très bien. En aux États-Unis, on a énormément d'obèses. Oui, et c'est vrai. J'ai trouvé que c'était le média avec le plus d'obèses sur le PAF. Le média avec le plus d'obèses. Vous voulez dire l'émission qu'on présente là? Yeah. Et qui s'appelle? Les petits médias. Ah, ça obèses. S'appelle comme ça? Les petits médias obèses. Est-ce qu'on vient de trouver le nom là? On le dira toujours en anglais. P-M-O. Les petits médias obèses. Les PMO. Le PMO. Yeah. Bien, les petits médias obèses. Très bien. Okay. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Est-ce que vous pouvez nous décrire? Excusez-moi, mon cher, je dois partir. J'ai un meeting au Connecticut.